Bepi Colombo, quand on allume ta mèche, tu voles haut. Et jamais rien ne t'empêche, mon beau, de larguer comme de pêche MMO et MPO. Car après 7 ans de voyage, tu dois attraper l'aiguillage de la force gravitationnelle pour arriver près du soleil sans risquer de brûler tes miches. Une sonde, c'est un peu comme une péniche. Pour s'arrêter, faut anticiper pour pas se louper. Bepi Colombo, bientôt tu vas nous regarder de là-haut. Fais gaffe parce que sur Mercure, il fait chaud. Et quand tu vas nous transmettre tes photos, n'oublie pas les réseaux sociaux. Un petit smiley comme la tête à Toto. Bravo. Bravo. Merci Mehdi. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas Paul de Brême. Vous avez remarqué, je suis Gilles Davidovitch de la Société Astronomique de France. J'ai un petit background de planétologie, de géographie physique de la planète Mars notamment. Et donc je remplace Paul de Brême qui est retenu à l'autre bout de la planète, pas sur Mercure mais bien sur la Terre, en Guyane, donc sûrement pour la bonne cause. Et donc je vais avoir le plaisir et l'honneur évidemment de vous accompagner ce soir pour un voyage... sur Mercure, le messager des dieux chez les Romains, mais aussi, lit-on, le dieu des commerçants et des voleurs. Bon, voilà une bonne entrée en matière. Alors, nous avons ce soir deux experts, deux spécialistes de l'exploration planétaire. Francis Rocard, que tout le monde connaît, évidemment, astrophysicien au Centre national d'études spatiales, au CNES, notre agence spatiale. Et puis Yves Langevin, que tout le monde connaît aussi, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, à l'Université Paris-Sud. Donc le grand campus situé au sud-ouest de l'Île-de-France. Voilà, donc comme vous le savez, c'est très interactif. J'ai déjà préparé avec ces messieurs beaucoup, beaucoup de points à aborder, puisque curieusement, jusqu'à récemment, jusqu'à ce que Pluton soit survolé, Mercure était la planète la plus énigmatique. Pluton n'est pas une planète, planète naine n'est plus une planète. En tout cas, disons que Mercure reste quand même le corps planétaire solide le plus méconnu du système solaire, en tout cas de celui qu'on connaît aujourd'hui. Parce que, évidemment, Pluton est connu depuis au moins 5000 ans. Donc, on va... Mercure, pardon, pas Pluton. Enfin, oh là là, ça commence bien, c'est la bière. Mais il y en a un qui suit. Heureusement, c'est Francis. Alors donc oui, Mercure est connu depuis au moins 5000 ans, pas Pluton, et donc nous allons faire une plongée sur ce corps planétaire qui est bien loin de ressembler à la Lune. Et nous allons voir pourquoi, parce qu'effectivement pour le profane, on pourrait croire que Mercure et la Lune se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau, or c'est pas du tout le cas. Alors d'abord, Francis, on va commencer, pourquoi Bepi Colombo, parce que c'est quand même... un drôle de nom pour une mission spatiale. Alors, oui, on parle de Giuseppe, donc. Bah Giuseppe, oui. Surnommé Bepi, est un astrophysicien italien qui a réussi à faire valoir des calculs très, très sioux concernant les trajectoires de la sonde Mariner 10, partie en 73, qui, en 5 mois de voyage, ou 4 mois d'ailleurs, a survolé Mercure et 3 survols. En fait, le rôle de Bepi Colombo a été double. Il y en a un, ça consistait à dire, si on fait le premier survol du Mercure dans une configuration bien particulière, bingo, on arrive à en faire 2 autres derrière. Et ça, c'était pas prévu par le JPL qui avait préparé la sonde. Et donc il n'a pas inventé le concept d'assistance gravitationnelle, comme c'est parfois résumé, c'est pas vrai. Mais par contre, il l'a bien exploité dans le cas de Mariner 4, 10 10, 10, 10, 10 Mariner 10. Je confonds toujours. Voilà. Mariner 10, et donc qui a cartographié 45% de la planète. Alors Yves, pourquoi aller voir Mercure ? en quelques mots. Oula, alors il y a au moins trois éléments. Tout d'abord, bon, Mercure, c'est la planète et le corps planétaire le plus près du Soleil. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle un terme extrême de toute la séquence de formation des planètes autour du Soleil. Alors ça, c'est un sujet qui a pris un intérêt très nouveau depuis 1995, puisqu'il y a encore 20 ans, les gens se disaient, bon, vous êtes près du Soleil, fait très chaud, ça crame tout, il reste un petit bout de cendre qui s'appelle Mercure, et donc c'est assez normal. Et là-dessus, depuis la découverte des planètes extrasolaires par Mayer, on a vu des systèmes solaires dans tous les coins de l'univers, et il n'y en a pas un, ou il y en a très peu, qui ressemble au nôtre. On n'a pas encore les moyens de détecter Mercure, mais on a vu des tas de systèmes solaires où c'est un Jupiter ou deux ou trois qui sont à l'intérieur même de l'orbite de Mercure. À la place de Mercure. À la place de Mercure. Donc ça veut dire que cette évidence qui était la formation d'une planète toute petite, très dense, près d'une étoile, eh ben on s'aperçoit qu'ailleurs, ce n'est pas vrai du tout. Donc ça repose clairement le problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre système solaire pour aboutir à ce résultat et pas à d'autres ? Le deuxième élément, effectivement, c'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. Mercure est très mal connu. Il y a 15 corps planétaires dans le système solaire qui font moins la taille de la Lune. Il y en a qu'on connaît très bien, comme Mars, il y a déjà eu 13 missions orbitales. Mercure, il y a eu un survol en 1974, comme l'a dit Francis. La mission Messenger qui s'est mise en orbite en 2011, mais c'est très peu par rapport à tout ce qu'ont pu connaître d'autres planètes. Donc c'est mieux connaître l'un des 15 gros objets. Et l'élément important du point de vue planétologie comparée, c'est que Mercure est le seul objet planétaire rocheux qui a un champ magnétique comme la Terre. Vénus n'en a pas, Mars n'en a pas, et la Lune non plus. Donc si vous voulez bien connaître comment se forme un champ magnétique sur une planète, et c'est très bizarre pour Mercure parce que c'est tout petit, et ben Mercure c'est l'autre exemple qu'on a, et c'est un exemple qui a d'ailleurs une relation avec le Soleil très particulière parce que le champ est très faible, et on est tout près du Soleil, donc la pauvre magnétosphère, elle se fait repousser quasiment jusqu'à la surface à cause de la proximité du Soleil. En fait, finalement, Mercure, pour le profane, à nouveau, hein, oui. Contre toute attente, pour le profane, Mercure est un corps planétaire assez fondamental, parce que vous parliez de Michel Mayor qui est le premier à découvrir les exoplanètes, mais finalement, Jacques Lascar, en France, travaille sur le tilt et la position des planètes autour de l'étoile lors de la formation. Et donc, finalement, on ne sait pas vraiment si Mercure est née là où elle se trouve aujourd'hui ou si elle a migré progressivement. Du coup, ça devient très intéressant parce que ça dépasse le sujet simplement. Oui, les travaux de Jacques Lascar, ce n'est pas exactement ça. C'est des calculs sur le dernier million d'années. Ce n'est pas sur 4,5 milliards d'années. Et c'est de montrer que l'orbite de Mercure... d'abord, les orbites ne sont pas stables. Mais on n'est jamais d'accord avec Yves, ça c'est pas le problème. Mais ça c'est bien, c'est bien de ne pas être d'accord. Les orbites ne sont pas stables, et d'ailleurs Jacques Lascar, qui a fait un gros travail sur l'orbite de Mars et l'inclinaison de Mars très important, montre que l'orbite de Mercure est l'une des plus chaotiques qui soit. Donc aujourd'hui, elle a les caractéristiques qu'on connaît, qu'on pourrait décrire, une excentricité de 0,2 qui est la plus forte excentricité de toutes les planètes. Mais peut-être, il y a 500 millions d'années, ce n'était pas du tout ça. Donc voilà, donc c'est chaotique, c'est-à-dire que cette orbite bouge beaucoup dans le temps. D'accord. Je rappelle que vous pouvez m'interpeller pour poser des questions en direct hein, à nos deux invités. N'hésitez pas, vous levez la main et puis vous pouvez, évidemment, ils réagiront au moment. Alors, oui, sur cette histoire d'orbite, il y a aussi l'inclinaison qui est très bizarre. Elle est à 7 degrés, ce qui est énorme. Vous prenez Mars ou Vénus, c'est respectivement 3 degrés ou 1 degré. Donc Mercure est tellement bizarre qu'on se demande même s'il lui est pas arrivé quelque chose, comme d'ailleurs ce qui est arrivé à la Terre qui a formé la Lune, c'est-à-dire un impact géant qui aurait pu la rendre toute petite, tout simplement parce que toute la croûte aurait été explosée par l'impact d'un corps qui traînait par là. Et du coup, ça peut tenir la route avec un noyau surdimensionné par rapport à la taille de la planète. Absolument. Bon, ce qui caractérise Mercure, c'est sa très grande densité ramenée à sa petite taille, donc 5,1 grammes par centimètre cube, ce qui veut dire que s'il était aussi gros que la Terre, en fait, il serait plus dense que la Terre, le noyau de Mercure arrive jusqu'à 80% de son rayon. Si vous faites une coupe de Mercure, vous voyez un énorme noyau et une mince couche une mince couche qui est en fait le manteau et la croûte qui sont tout en haut. Et d'ailleurs, ça a des conséquences, y compris sur la chimie, c'est que le noyau est tellement près qu'il a pompé tout le fer quasiment qui traînait dans la composition de Mercure, ce qui fait que la surface est beaucoup plus pauvre en fer, par exemple, que la surface de la Terre ou de la Lune. C'est pas sur Mercure qu'il va falloir aller exploiter, comme sur certains astéroïdes, les matières premières. Ah bah si vous faites un puits de 1000 km de diamètre, là vous avez tout ce que vous voulez. Il y a 80% de la matière qui est du fer, mais c'est pas facile à accéder. C'est ça. Y a-t-il des questions, des remarques ? On poursuit alors. Je compléterai, puisque Yves a parlé du noyau. Traditionnellement, on dit les noyaux des planètes sont les noyaux de fer nickel. On le sait par les météorites. On a les météorites métalliques qui sont des noyaux 80% à peu près de fer et peut-être 10 un peu plus pour cent de nickel. Dans le cas de Mercure, la grosse surprise, c'est le champ magnétique. En fait, la taille de Mercure et la vitesse de rotation de Mercure sur elle-même, les prédictions étaient de dire qu'il ne devrait pas y avoir de champ magnétique. Mercure est trop petite et sa taille ne permet pas des effets de type d'effet dynamo. En fait, il y en a un. Il est faible, il fait entre un 60e, un 100e du champ magnétique terrestre. Et on pense que un des modèles, c'est de dire c'est cohérent si on arrive à maintenir liquide le noyau, et pour ça on met du soufre. Donc il y aurait un peu plus de soufre dans le noyau de Mercure que dans le de la Terre ou Mars ou dans les météorites. C'est un moyen de garder liquide un corps qui a tendance à se réchauffer, mais avec la présence de soufre, la température de solidification est plus basse. C'est quand même fantastique, parce que finalement, c'est vraiment un laboratoire pour beaucoup de sciences, de disciplines, de spécialités de l'astrophysique et de la planétologie comparée et descriptive. On y reviendra, mais cette histoire aussi d'interaction entre la magnétosphère et la surface, du coup, ça fait de Mercure un corps planétaire très spécifique. Absolument. Nulle part ailleurs dans le système solaire, on a ce genre, ou quasiment nulle part ailleurs, a priori. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Justement, il y a énormément d'objets sans atmosphère dans le système solaire. Mais Mercure, c'est le plus gros et le plus près du Soleil. Vous avez Mercure, vous avez la Lune, vous avez les satellites de Mars, les astéroïdes, donc il y en a pas mal. Pour tous ces objets, on s'aperçoit que ce qu'on voit, ce n'est pas simple de le relier par les méthodes standards de spectroscopie, par exemple, à la composition. Parce que les caractéristiques de couleur, les caractéristiques de spectre, elles sont modifiées par l'interaction directe avec l'espace parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Terre ou sur Mars, l'atmosphère protège la surface. Alors ça crée d'autres effets. Mars est rouge parce que ça oxyde. Mais vous n'avez pas toutes ces particules de haute énergie qui tapent directement, qui vont changer la structure des minéraux. Et Mercure, de ce point de vue-là, c'est à la fois l'objet le plus gros et aussi celui qui est le plus près du Soleil. Donc les flux de particules solaires sont 10 fois plus intenses que sur la Lune, parce que vous êtes 3 fois plus près. C'est donc 3 fois 3, ça fait 10. Et en prime, il fait très chaud, donc c'est typiquement l'endroit où, si vous voulez comprendre comment une surface évolue sous l'action des particules énergétiques qui viennent de l'espace, Mercure est l'endroit idéal. Et de ce point de vue-là, la mission BepiColombo est effectivement particulièrement bien adaptée, parce que les deux satellites dont on va parler, il y en a un qui est tout près de la planète, qui s'intéresse justement à caractériser la surface de la planète et aussi son intérieur. C'est le satellite européen, le Mercury Planetary Orbiter. Et vous en avez un autre qui se balade très loin sur une orbite elliptique, qui est le satellite japonais, avec beaucoup d'instruments européens et français, dont Francis parlera plus tard. Et donc c'est cette combinaison de deux satellites, l'un qui regarde l'environnement et l'autre qui regarde la planète, qui va justement permettre d'aborder tous ces problèmes d'évolution de la surface sous les flux de particules. Et qui s'appelle MIO. MIO. Voilà, il s'appelle MIO. Ah oui, il a changé de nom. MIO. C'est fini. C'était le nom d'origine, maintenant il s'appelle MIO. Alors la transition est toute faite parce qu'il est quand même. Et là, Francis, je m'adresse à toi, représentant évidemment du CNES, notre agence. Il est quand même exceptionnel d'avoir une mission conjointe ESA-JAXA. Nos amis japonais, là, embarquent avec nous. Parce que c'est quand même nous qui sommes les leads là-dessus, qui sommes les meneurs, on va dire, même s'ils avaient leur propre programme initialement, embarquent avec nous pour une collaboration internationale, comme on en voit de plus en plus, sous l'égide notamment du CNES et aussi de l'Agence spatiale européenne. Alors effectivement, c'est un cas, c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne a une coopération à ce niveau avec la JAXA, Agence spatiale japonaise. Je voudrais souligner que comment est apparu BepiColombo dans l'histoire de la programmation européenne. Et en fait, il y a eu ce qu'on a appelé le programme Horizon 2000 qui a été fait dans les années 83-84, dans lequel, à ma connaissance, Mercure n'était pas, mais il y a eu Horizon 2000 plus, qui était 10 années de plus avec deux nouvelles cornerstones. Et là, il y a eu la cornerstone qui s'appelait Mercure. Je vais passer la parole à Yves parce qu'il a joué un rôle déterminé. Voilà, c'est ça. Il était président d'un des comités majeurs de sélection. En fait, il était président et tu as aussi œuvré au niveau du Solar System Working Group. Or, le Solar System Working Group de l'ESA, à l'inverse de celui du CNES, c'est un groupe qui regroupe trois communautés. Les planétologues, les plasmiciens, ceux qui s'intéressent à clusters et aussi ceux qui s'intéressent au Soleil, par exemple la mission SOHO ou Solar Orbiter. Eh bien, BepiColombo regroupait un peu ces trois thématiques, puisqu'on était très près du Soleil, on coche toutes les cases. Et c'est pour cela que l'ESA s'est embarqué dans une mission très ambitieuse, BepiColombo, à destination de Mercure. C'était pas quelque chose d'évident au départ. Alors Yves, est-ce que vous pouvez nous lever le dessous des cartes? Parce que là, il y a la politique. On aime bien quand même. On voit clair. Jamais ça dans les journaux, à la télé. On parle pas du dessous des cartes. Comment ça s'est passé concrètement pour obtenir ce résultat? Alors, comme l'a dit Francis, on devait définir trois pierres angulaires dans divers domaines. Et effectivement, dans le domaine planétaire, en fait, nous sommes en 95. On est d'ailleurs avant un échec majeur qui a joué énormément dans l'histoire de la planétologie européenne, qui est l'échec de Mars 96, la mission soviétique en novembre 96. Donc en 95, tout va encore bien du côté de Mars. Et néanmoins, effectivement, il faut prévoir la suite du programme qui avait été mis en place en 84, qui a été un très grand succès. Et là, il faut donner le mérite à Roger Bonnet, qui était le directeur scientifique de l'ESA. Il a réussi, sur la base du programme qu'il avait mis en place, à doubler le programme scientifique européen, le budget du programme scientifique de l'Europe. C'est un peu l'artisan quand même. Lui, c'est l'artisan complet de notre vision de l'exploration planétaire. Oui, en tout cas pour la contribution européenne, il a joué un rôle majeur. Donc on arrive en 95, on veut donner une suite à ce succès. Et donc, à l'époque, et encore maintenant, Mars a une très forte priorité. Et l'Agence spatiale européenne, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Elle construit un comité où elle met les gens dont elle pense qu'elle va prendre la bonne décision. Donc on bourre le comité de martiens. Moi, j'ai une étoile quelqu'un de martienne, on met à la présidence. Il y a un malheureux suédois qui s'occupe des astéroïdes comme faire-valoir, mais tous les autres s'occupent de Mars, sans la moindre exception. Et donc, Bonnet s'attend à ce qu'on revienne vers une mission vers Mars. Et effectivement, on est très intéressé par Mars. Sauf qu'il nous dit, et il faut que vous nous disiez quelle est la mission qu'on va pouvoir lancer en 2009. Et alors là, le comité se réunit donc pendant 3-4 jours et on se gratte la tête, car nous sommes en 95. L'histoire a montré d'ailleurs que même pour Mercure, on s'est pris quelques détails dans la gueule, mais Mars, c'est très médiatique, pas que pour nous. Et donc, quelle mission peut faire un sens en 2009 sans que la NASA nous tire la carpette 5, 6 ou 10 ans avant? Il y a un peu une rivalité entre agences. Il y a surtout qu'ils ont 4 fois le budget de l'Europe. Donc... Oui. Sur des sujets qui sont prioritaires, on n'a aucune chance de garder pour nous. Notre baril derrière. La primeur pour nous. La primeur pour nous. Ils vont nous bouffer. Et d'ailleurs, même sur Mercure... C'est un peu agaçant quand même. Oui, mais c'est la vie. Quand vous avez une agence qui, à l'époque, aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne, l'Europe, a pris une place très substantielle dans l'exploration planétaire. Mais en 1995, il n'y avait rien eu. Il y avait Giotto vers les comètes, une collaboration... 10 ans plus tôt. Une collaboration avec la NASA qui était Cassini, qui restait à lancer. Une collaboration avec les Russes qui allaient se planter un an plus tard. Et à part ça, zéro. Donc le poids de l'ESA dans le paysage mondial... était nul, quasiment. Y avait, à ce moment-là, il n'y avait rien. Dans l'exploration spatiale à l'époque, il y avait d'abord les États-Unis, puis l'Union soviétique, et ensuite quelques comparses. Il faut bien voir ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le comité est revenu, et on a bien identifié que pour avoir une priorité qui tienne la route... et qu'on ait une chance de garder, et qu'il soit une mission qui tienne encore la route en 2009, qui s'est révélée en 2018, parce que tout ça prend du temps, c'était la pierre angulaire Mercure avec deux satellites, qui devait faire l'affaire. Mais on est revenu en disant au comité, vous pouvez aussi définir une priorité qui soit « commitment to Mars », en français dans le texte, un engagement vers Mars. On a 600 millions d'euros de l'époque. On est prêt à en causer avec les Russes, les Américains. Mais on ne peut pas vous dire la mission, puisqu'il faut discuter avec nos partenaires pour la cadrer, la définir. Pour faire un partenariat comme Cassini, où on est sûr que ça va tenir la route sur la durée. Et l'exécutif a dit « non, on veut la mission ». Et c'est comme ça que Mercure a été retenu. C'est amusant ce que tu dis, Yves. Parce que tout ton argumentaire montre que vous êtes planté. Non. Totalement. Si, si, parce que l'ESA commence à afficher une pierre angulaire qui s'appelle Mercure. Même pas, elle s'appelle même pas BEPI. Que la NASA dessine Messenger. Oui, mais c'est là qu'on se fait griller la politesse par les Américains, c'est pas juste parce qu'on leur montre. Ça y ressemble beaucoup. C'est juste parce qu'on leur montre notre objectif qu'ils nous prennent de vitesse ? Non. Sur ce coup-là, moi, je suis... Non, mais c'est clair qu'il y a aussi. Mais là, on s'est pris une Discovery, c'est-à-dire une petite mission. La Discovery, c'est les missions. C'est la mission qui est censée être courte. C'est la plus petite mission possible dans toutes les classes de missions de la NASA. Alors, ils l'ont gonflé pour prendre un peu la place. Ah, c'est ça. Mais Messenger, justement, c'est la bonne taille. C'est-à-dire que ça permet de faire des choses, dont on parlera d'ailleurs dans les planches. Vous avez des très belles images de Mercure par Messenger. Ça ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'en particulier, c'est une mission qui est très elliptique, donc ça voit la moitié de la planète. Et il y a des limitations en pointage, donc je pourrais vous en dire beaucoup plus. Mais on va reparler de la trajectoire. C'est une mission à 300 millions de dollars contre une mission à 1,4 milliard d'euros. Et Yves est vraiment l'expert sur le sujet. On va reparler de la trajectoire. Juste, je termine ma phrase. Ouais, pourquoi ? Parce que c'est... Il y a eu quand même un débat de savoir si BEPI Colombo était toujours valide. Après Messenger. Oui. Après, ou alors que Messenger ait commencé à partir vers Mercure. Et c'est Yves qui a défendu la mission. Donc il connaît bien le sujet. Oui. Même que le CNES n'était pas complètement convaincu d'ailleurs. Moi je vais vous dire, alors là je m'adresse non pas à ces deux experts, mais à vous tous et vous toutes. Je vais vous dire, c'est quand même fantastique de se dire qu'on a des astrophysiciens, des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques qui passent littéralement toute leur vie professionnelle à défendre un ou deux projets. Et c'est le cas là, en l'occurrence, sur 25 ou 30 ans quand même, excusez-moi. Enfin, moi, ça ne me rajeunit pas, mais c'est quand même la réalité. Je n'en ai fait que 12. Mais vous faites d'autres choses en parallèle. Mais on voit bien quand même que les idées initiales, mais on parle de 1984, la sonde, elle vient de partir il y a quelques semaines. Oui, mais ça chevauche. Regardez Rosetta. Bien sûr, heureusement. Rosetta, on le dessine en 84. Je fais partie de ce programme. Il se termine en 2016. Donc, heureusement qu'il y a des trucs qui prennent le relais. Parce que regardez Cassini-Huygens avec Gauthier. Ce que tu dis, Gilles, est parfaitement vrai. Oui. Pour un chef de projet qui ferait une expérience sur, par exemple, Mars 96. C'est vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, la compétition est telle que, contrairement à l'Europe, c'est très difficile d'émarger sur plusieurs missions qui se regroupent. Quelle est l'autre industrie, quel est l'autre métier, quels sont les autres métiers qui mettent autant de temps entre le moment où on a l'idée et le moment où on a le résultat? Moi, j'ai l'exemple, c'est les bâtisseurs de cathédrales. Les bâtisseurs de cathédrales, c'est un métier quand même pas très répandu. Moi maintenant, mais à l'époque, il y avait une grosse... Non mais vous voyez, c'est vrai, c'était très important. Moi ça m'avait stupéfait pour Cassini-Huygens, une mission exceptionnelle. Avec Gauthier, c'est pareil pour Rosetta. On l'a vu avec Jean-Pierre Le Breton qui était ici il y a quelques temps. Sur la mission. Il est plus bavard que nous, en fait. Moi, je suis très bavard. mais voilà. Enfin, il faut se rendre compte que ce ne sont pas que des histoires scientifiques et technologiques. Ce sont d'abord des histoires humaines. Avec des humains, des hommes, des femmes qui travaillent et qui font leur job. Mais c'est vrai que ça prend 30 ans. Et qui, fréquemment, ça prend... Mais Mars, ça va plus vite. C'est 10 ans, Mars. Sauf que pour Philippe Lognonnet, lui, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'il essaye de mettre un sismo sur Mars. Francis parle de Philippe Lognonnet parce que vous savez qu'on se pose sur Mars. On se pose sur Mars. Lundi prochain, venez à la Cité des sciences et de l'industrie où vous aurez les experts du CNES notamment et du CNRS et de l'IPGP qui seront avec moi et avec nous, avec Francis et moi, à la Cité des sciences pour vivre en direct l'atterrissage de la sonde InSight sur Mars. Sonde, le taxi est américain, l'intelligence scientifique et française, on en reparle lundi soir. Et c'est Philippe Lognonnet qui, cette fois, lui, a été le scientifique, l'artisan, géophysicien, qui déposera trois sismomètres à la surface de Mars lundi soir. Revenons à Mercure. Alors, Yves, pourquoi 10 ans de retard ? Parce que puisqu'on parle du temps et d'une mission... Alors, il faut voir que de ce point de vue-là, on a parlé de la durée des projets. Il faut voir aussi que de tous les grands projets spatiaux dans le monde, BP Colombo est peut-être celui qui a eu l'histoire la plus complexe. Est-ce que c'est la sonde la plus complexe déjà qu'on fabrique ? En tout cas, pour l'Europe, indiscutablement, oui. Le seul équivalent en complexité, c'est peut-être une mission comme Mars Surface Laboratory à la NASA. MSL, Curiosity ? Oui. Qui n'était pas piqué des hannetons non plus. Parce que c'est nucléaire et parce que la charge scientifique est complexe. Non, c'est pas le nucléaire. Le Skycrane, l'arrivée. Le Skycrane, c'est terrorisant. D'accord, donc l'entrée, la descente et l'atterrissage sur Mars avec la grue volante, là, c'était un peu délirant. Le machin d'une tonne qui se balade au bout d'un cap de 30 mètres en dessous des rétrofusées, bon, c'était pas piqué des hannetons. Non, mais donc BP Colombo, il faut voir que c'est un monstre. Quand vous voyez le composite de BP Colombo, il y a des bouts qui dépassent de partout, il y a la bagatelle de 5 modules à emboîter. Vous avez un module de propulsion électrique qui a des panneaux solaires qui dépassent de partout parce qu'ils sont énormes. Parce que comme c'est de la propulsion électrique, il faut énormément de puissance électrique. On a, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 3 kW installés. Des trucs vraiment. Donc on a des panneaux solaires, on a des moteurs ioniques, des moteurs électriques, des moteurs chimiques. Oui. Deux satellites, on a deux satellites, on a des boucliers thermiques parce qu'il fait très très chaud d'un côté et évidemment il fait très très froid de l'autre. Donc on a une thermique épouvantable. C'est très complexe et donc effectivement c'est un truc très complexe. Et nos panneaux solaires, alors parlez-nous des panneaux solaires. Attendez, je termine d'abord sur un point. C'est quand je parle de l'évolution de la mission, la raison pour laquelle aussi on a pris beaucoup de retard, c'est quand le projet a été approuvé, donc théoriquement sur une base extrêmement solide, on a vendu un projet qui avait 1200 kg départ de la Terre sur une fusée Soyouz, donc plutôt petite. Et dans ces 1200 kg, vous aviez les deux satellites, le module de propulsion unique et un atterrisseur. D'accord ? Oui, parce qu'au départ, on devait se poser absolument à la surface de la Mercure. On va y revenir parce que ça me fascine. C'est très intéressant. Mais pardon ? Non, c'est... Donc, on démarre à 1200 kg. Là-dessus, petit à petit, les gens se rendent compte que ce n'est pas si simple. Et à peu près 4 ans plus tard, on s'aperçoit que l'atterrisseur, c'est trop compliqué. On enlève l'atterrisseur. Néanmoins, ça continue à gonfler. Et en 2008, on se retrouve à 2700 kg. C'est-à-dire que le Soyouz ne fait plus l'affaire. On passe sur Ariane 5. Donc quand vous avez un projet qui démarre à 1200 kg sur une Soyouz et qui est parti le 18 octobre à 4 tonnes sur une Ariane, ça veut dire qu'au niveau du développement technique, il a fallu quand même adapter. Comment on fait pour déraper tant que ça ? Parce que c'est essentiellement un système de propulsion complètement nouveau. Je me souviens toujours que les Anglais qui étaient candidats me disaient « Oh, vous êtes horriblement conservateur, vous avez mis 400 kg, on fera ça pour 250 ». À l'arrivée, il a fallu une tonne de... Donc c'était mal maîtrisé, comme toute technologie nouvelle. Oui, et BP Colombo. Moi, je me souviens d'un ingénieur du CNES qui a pris sa retraite, qui était quelqu'un qui était très écouté à Toulouse. Il s'appelait Michel Rougeron. Et il avait eu cette phrase, il dit « Oui, alors sur BP Colombo, vous allez voir, vous allez en baver, ça va être une horreur. Sur MPO, pour MMO, aucun problème. » Je rappelle que MMO a été livré 3 ans avant le tir. Hein. Par les Japonais. Par les Japonais. Les Japonais, eux, ils sont à l'heure. On leur demande... Ils sont à l'heure, mais en plus, ils annulent leur projet. C'est un ingénieur qui parle. Donc, la grosse difficulté, c'est la thermique. La thermique n'est pas une science exacte, en plus. Il y en a toujours des mauvaises surprises en thermique. Ça chauffe trop, etc. Et MMO spin, tourne sur lui-même. Donc, il se régule thermiquement tout seul. Donc, sur le plan et en plus, ces panneaux solaires, pareil, ils regardent le soleil, ils ne les regardent pas, ils n'ont pas le temps de chauffer, donc tout va bien. Et donc, c'est très simple. Les technologies dans MMO sont maîtrisées. Sont simples. Sur MPO, c'est un véritable cauchemar. On est pointé nadir, c'est-à-dire qu'on regarde la surface, on a un effet grippin, c'est-à-dire que Mercure est chaud. Donc, on est grippin, c'est-à-dire que quand on est entre le soleil et Mercure, là, ça chauffe des deux côtés. Et ça, c'est très difficile. Juste une précision, la surface est à 700 degrés d'un côté, et vous avez le soleil qui vous envoie 10 fois le flux qu'on reçoit sur la Terre de l'autre. Donc c'est le grippin des deux côtés. Oui. Alors, l'ESA l'a bien expliqué. En fait, dans MPO et le module de propulsion, il y a un nombre de technologies nouvelles qui sont absolument effarantes. Il a dû faire énormément de R&D. Je prends l'exemple des panneaux solaires. Ils n'existaient pas. En plus, les panneaux solaires ont des propriétés incroyables. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher de Mercure, plus on va devoir les incliner. Sinon, ils chauffent et ils crament. Ils claquent. Et s'ils crament, c'est un désastre. Or, vous savez que tout satellite a un mode de secours qu'on appelle le safe mode. Et le safe mode, c'est en cas de pépin, je mets face au soleil et je mets mon antenne vers la Terre et j'attends les ordres. Ça, c'est la base du safe mode. Ça marche pas pour Mercure. Ça marche pas. Parce que si... Or, un safe mode, ça doit être extrêmement robuste. Et or, le safe mode devient très compliqué. Parce qu'il ne faut surtout pas mettre les panneaux vers le soleil, il faut les incliner de 70 degrés. Pour d'avoir des photons, on en a beaucoup, ce n'est pas le problème, mais donc il ne faut pas qu'ils chauffent. Donc déjà, ça, c'est très compliqué. Après, vous avez les mécanismes de l'antenne qui va pointer la Terre. Là, eh bien, ces mécanismes-là, ils sont directement soumis aux températures extrêmes, hein, puisqu'ils sont à l'extérieur. Et ça, ça a été un gros problème. Et puis après ça, la propulsion ionique, il y a eu tout le module de électronique de puissance pour alimenter les moteurs qui ont eu des problèmes. Donc on blinde l'électronique comme dans l'environnement de Jupiter ou dans l'environnement de Saturne ou même non, il faut le protéger de la chaleur, mais du point de vue radiation, bon, vous êtes près du Soleil. Vous êtes près du Soleil, donc c'est quand même plus que loin de la Terre. Mais c'est beaucoup moins, y compris dans les ceintures de radiation de la Terre. Donc c'est pas le problème. Et la magnétosphère de Mercure n'est pas un environnement très chaud au sens radiation. Donc le vrai problème, c'est la température. Et l'autre problème, qui nous a joué des tours, c'est qu'il a fallu refaire le schéma de mission, la bagatelle de 6 ou 7 fois, parce qu'il fallait changer de créneau, parce que la masse augmentait tout le temps. Donc on est parti d'une jolie petite spirale avec quelques survols de Vénus pour freiner, qui mettait 3 ans. Et à l'arrivée, on en met 7, parce que quand vous avez plus de masse et que vous avez le même moteur, ben qu'est-ce qui se passe ? Eh ben vous accélérez moins vite, ou vous freinez moins vite en l'occurrence. Et donc, il faut plus de temps pour tomber sur le Soleil, il faut plus de survols de Vénus, de Mercure, parce que vous avez 4 tonnes à trimballer. Et il ne vous dit pas, mais qui calcule les trajectoires de Bepi Colombo ? Voilà. Vous savez qu'il y a un astronaute génial, c'est Buzz Aldrin. Tout le monde sait que le génie entre Neil Armstrong et Buzz Aldrin, c'est Aldrin. Le vrai calculateur, le vrai matheux, qui est le spécialiste international des trajectoires Terre-Mars, c'est Aldrin. Ici, on a Yves Langevin, qui est le spécialiste international de la trajectoire Terre-Mercure. Moins fréquemment emprunté quand même, il n'y a pas de ligne de bus régulière. Non. Mais c'est quand même vous qui avez fait l'ensemble des calculs qui ont après été validés par les spécialistes de la navigation... De l'ESOC, oui. De l'ESOC, oui, navigation... Pour que ça marche, bon, les électrons libres... Alors, expliquez-nous comment on va sur Mercure, parce que le bus d'en face... Modo, alors, il faut déjà savoir un truc qui peut vous surprendre, c'est que bien que Mercure, apparemment, soit plutôt plus près que, par exemple, Jupiter, en énergie, c'est 3 fois plus loin. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'énergie... D'un corps en orbite, c'est 1 sur R, où R est la distance au Soleil. Donc, si vous êtes. La Terre vaut 1, Mercure qui est à 0,4, c'est à 2,5, et Jupiter qui est à 5, c'est 0,2. Ben, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Oula. Bon, alors je reprends. Mercure a une énergie énorme parce qu'elle est tout près. Donc, effectivement, en termes de changement d'énergie, Mercure, c'est à peu près 2 fois et demi. Terre-Mercure, c'est 2 fois et demi Terre-Jupiter. En changement d'énergie. Donc, effectivement, il faut freiner beaucoup et il faut utiliser beaucoup d'assistance gravitationnelle. C'est-à-dire, grosso modo, vous voulez tomber sur le Soleil, il n'y a pas de mystère, il faut réduire la vitesse orbitale d'un objet. La Terre tourne à 29,8 km par seconde, ça fait je ne sais pas combien de milliers de kilomètres heure. 100 000 Oui, par ça là. Ça fait vite. Bon, et donc, si vous voulez tomber, eh ben, il faut plus tourner pour aller tout droit. Et donc, typiquement... Pour vous donner l'ordre de grandeur, en fait, on freine au total d'à peu près 13 à 14 km par seconde, la moitié donc, de la vitesse orbitale de la Terre au total. Sur ces 13-14 km par seconde, il y en a 5 qui sont fournis par la propulsion ionique. Ce qui est énorme. Pour aller sur Mars, c'est 2 km par seconde. Et oui, c'est ça. Même pas. Enfin, oui, il y a... Ouais, bon. À peu près. En tout cas, et là, donc... Il m'interrompt, donc 5 km par seconde qui sont fournis par le moteur, et vous avez 8 km par seconde, ou plus, 9 ou 10, qui sont fournis par des survols de Mercure, des survols de Vénus. D'abord Vénus 2 fois, puis Mercure 6 fois, et ça vous fait gagner énormément de vitesse pour rien. Alors pour freiner... Mais on met 7 ans quand même. Oui. Alors, je vous interromps. Juste un point, pour freiner, il faut passer devant la planète. Comme ça, la planète vous tire vers l'arrière, et ça réduit votre vitesse orbitale. Si vous voulez accélérer et aller vers Jupiter, c'est l'inverse. Vous passez derrière une planète et hop, elle vous envoie vers l'extérieur. Midi. Ouh, J'ai pas l'orbite très bien centrée. J'ai un noyau un peu soufré. J'ai un champ magnétique qui est rabattu sur ma face. Et ça sur Terre, ça vous dépasse. Je suis une planète, écoute ça. Sur Terre, je suis pas un satellite, ni une pierre. Je vous ai intéressé il y a longtemps sous Giscard. Mais depuis, il n'y a eu qu'un seul lascar pour venir m'explorer et savoir pourquoi moi, planète, je suis une star. Mais ça, c'est vos oignons. Moi, je suis pas comme Pluton. Je suis une vraie planète pour qui tout le monde fond. Bravo. Bravo, bravo. On en parlera à Jacques Lascar. Alors, reprenons. Donc, si je résume, pour accélérer, il faut freiner. Et vice-versa, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse très fort au départ, parce qu'il faut quand même partir. On pousse vers l'arrière, ça freine. On pousse vers l'arrière, ça freine. On freine tout le temps. Il faut juste embrouiller un peu les choses. Non. Attends. Si, il faut embrouiller les choses. C'était trop simple. Vous allez voir. Mais c'est général, ce que je veux dire. Si on veut spiraler vers le soleil, il faut freiner. Mais le résultat, c'est que votre vitesse augmente. Ah oui, ça c'est vrai. Donc on freine et la vitesse augmente. C'est évidemment... évident. Intuitivement, c'est pas évident. Non. Mais c'est comme ça. Plus on freine, plus on accélère. Alors, donc, on a quand même des sondes qui vont vers Mercure en 5 mois, disons. C'est Mariner 10. Et puis, Bepi Colombo qui va mettre 7 ans pour se mettre en orbite. Oui. C'est quand même sensiblement différent. Je veux mon neveu. Un survol, c'est très facile, en fait. Il suffit que les deux trajectoires se croisent. Par exemple, Mariner 10 est passé à Mercure, je crois qu'elle traînait à 14 ou 15 km par seconde. C'est rigoureusement impossible de se mettre en orbite à ces types de vitesses. Juste l'ordre de grandeur, pour que vous voyez un peu ce qui se passe, un étage de fusée classique, il peut vous communiquer à peu près la vitesse d'éjection des gaz, c'est-à-dire de l'ordre de 3 km par seconde. Donc, pour avoir la moindre chance de vous mettre en orbite, il faut descendre la vitesse relative nettement en dessous de 3 km par seconde. Or, Mercure fait 60 km par seconde sur son orbite à l'endroit le plus près du Soleil. Donc oui, il y a du boulot. Il faut pratiquement se mettre, disons, en rendez-vous avec Mercure pour avoir une chance de se mettre en orbite. C'est ça. C'est très important de comprendre qu'on ne choisit pas la fusée que pour la masse qu'on envoie, mais aussi pour atteindre la vitesse qui convient en fonction du corps qu'on vise. Oui, sachant que, dans encore une particularité de cette trajectoire, c'est qu'il y a le module de propulsion, le MTM. Et le module de propulsion, il est purement ionique, avec ses très grands panneaux solaires de 30 mètres. Mais là où l'affaire est très bizarre, c'est que ce module, on le largue avant l'insertion. Avant l'insertion. Et en fait, on s'insère avec des petits propulseurs que vous ne voyez même pas sur MPO. Il y a des propulseurs qui servent au contrôle d'attitude et autres. Des propulseurs chimiques ? Chimiques. En fait, on utilise 4 de 15 newtons, cela fait 60 newtons, ce qui fait à peu près 6 kilos, c'est très peu comme poussée. Et c'est ça qui insère. Donc il faut arriver avec une vitesse qui est très faible par rapport à la vitesse orbitale. Il faut vraiment, le delta V est minuscule. Alors je fais un petit aparté, excusez-moi, sur les moteurs ioniques, parce que ça aussi, ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants quand même. On a connu Smart One. Oui. Pour aller vers la Lune. Mais bizarrement, c'est pas les mêmes. Et c'est pas les mêmes. Oui, enfin, c'est le même principe. Bon, c'est le même principe. Alors, non. Est-ce que nous sommes un peu les spécialistes en Europe du moteur ionique par rapport au reste du monde ? Est-ce que les Russes, est-ce que les Américains utilisent les Américains l'ont utilisé avec Deep Space One et avec Dawn. Et ils ont fait un truc incroyable avec Dawn. Ils sont mis en orbite autour de deux astéroïdes, Vesta et Cérès. Ils ont rallumé ionique. Oui. Ils ont éteint et rallumé le moteur. Et les missions japonaises. On n'est pas les seuls cons à utiliser la propulsion ionique. Effectivement, tout le monde l'utilise. Pourquoi ? Parce qu'un ion, vous pouvez l'envoyer à 35 km par seconde. Du gaz, ça part à 3 km par seconde. Donc pour la même masse, vous avez 10 fois plus de changement de vitesse. Donc pour les missions qui ont besoin de très grand changement de vitesse, la propulsion ionique, à un moment, devient incontournable. Parce que si vous êtes en propulsion chimique, à un moment, vous avez bouffé toute votre masse et vous n'avez toujours pas la vitesse qu'il faut. C'est ça. Donc, la propulsion ionique s'est imposée pour toutes les agences, pour certains types de missions. Et effectivement, vous avez les deux retours d'échantillons japonais à Hayabusa 1 et Hayabusa 2, c'est de la propulsion ionique. Les rendez-vous astéroïdes dont parlait Francis, qui n'étaient pas très simples d'ailleurs, parce qu'on s'éloigne du Soleil quand on va vers les astéroïdes. Oui. Donc la puissance solaire, elle diminue. Il faut un peu de panneaux, donc on a des grands panneaux. Et bien, Bepi Colombo, non seulement il a des grands panneaux, mais son problème, comme l'a dit Francis, c'est qu'on est tellement près du Soleil qu'il faut les incliner pour qu'ils ne crament pas. Mais néanmoins, pour la propulsion ionique, Mercure, c'est l'endroit idéal, parce que c'est l'endroit où la puissance disponible du Soleil augmente. Donc ça vous aide. Francis, en deux mots, est-ce que sur le ionique, pour comprendre la propulsion ionique par rapport à la propulsion chimique, si on compare avec une voiture, c'est un problème de litres au 100. Voilà. Bon. C'est-à-dire que la propulsion ionique consomme beaucoup moins de litres au 100 que la propulsion chimique. Et l'accélération la aussi, elle est régulière. C'est une analogie. L'accélération est très faible, mais extrêmement régulière. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de variation. Oui. C'est continu. Oui. Oui. C'est mais parfait. L'accélération parfaite. Non, la poussée. La poussée est parfaite. C'est pas le fait qu'elle soit augmente quand la base régulière. Mais l'importance, et c'est là où ça se complique, c'est que... Vous pouvez me remettre un petit... Quand vous poussez, vous ne savez pas exactement si vous poussez exactement dans l'axe. Ça a été toute la démonstration de Deep Space One, côté NASA, et de Smart One, côté ESA. C'est tout l'aspect système de... Il faut faire du contrôle d'attitude pendant la propulsion. Puisque vous allez pousser, je crois, 1 an et demi au total. On va pousser pendant 1 an et demi. Alors d'habitude, un moteur de fusée, c'est 15 minutes. Là, on pousse 1 an et demi. Ça n'a rien à voir en termes de... Alors système. Oui, en termes de fiabilité aussi des engins, des moteurs. Ah bah c'est des milliers, enfin c'est 10 000 heures. C'est 10 000 heures de fonctionnement. Et d'ailleurs, la qualif est toujours pas terminée. Oui. Alors ça aussi, on va qualifier en vol alors que c'est en cours. Ouais, c'est en cours, ils les démarrent les uns après les autres, d'autres, même où on parle. Alors juste un mot sur Smart One. La mission lunaire, donc à propulsion ionique, était une mission de démonstration qui était indispensable, parce que si on n'avait pas eu Smart One, jamais les ingénieurs de l'ESA n'auraient accepté de mettre une mission majeure... démonstrateur technologique. Ah, oui. Mais Smart One, c'est typiquement la mission qu'il ne faut pas faire en ionique, puisque Apollo, c'est 3 jours. Pour aller sur la Lune, c'est ballot. Smart One, c'est 17 mois. C'est ça, c'est voilà, ballot quand même. Voilà. Atteindre la Lune en 17 mois, c'est un peu... En gros, tout petit. Ça marche très très bien dans les champs de gravité nuls. Oui. Deep Space One, c'est la mission idéale. Oui. Vous allez faire du survol d'astéroïdes en gravité nulle. Donc c'est... premier survol, messieurs, dames, en 2021. Premier survol de Mercure c'est demain. En 2021. C'est demain. C'est demain. Et en fait, c'est une co-orbite. C'est pas exact. Alors, qu'est-ce que c'est, Yves Langevin, qu'une co-orbite ? Oula, bon, c'est un terme barbare. C'est juste pour vous dire que vous passez près de Mercure et vous mettez sur une orbite qui a une période qui a un certain facteur cohérent avec l'autre. En l'occurrence, c'est la planche 10 et les traits rouges. Vous ne faites pas la distinction entre l'orbite de Mercure et l'orbite de Bepi. Oui, enfin, donc on n'est pas en orbite. On n'est pas en orbite. Mais alors, je croyais bêtement que c'était un peu comme pour Philae, enfin Rosetta et le noyau de la comète, où on accompagnait, parce qu'on n'était pas en orbite non plus. Si. Annie Chantal, Annie Chantal, ou même toi, tu m'avais dit que c'était pas tout à fait. Non. À 30 km, on est en orbite. On est en orbite. On tournait en 15 jours. On était clairement en orbite pour Rosetta. Clairement, c'est sûr. Non, sur Bepi Colombo. Donc, vous êtes d'accord, magnifique. Vous regardez le joli diagramme que j'appelle moi le paquet de nouilles, c'est la planche 10. Vous voyez les trucs rouges et verts. Alors c'est un paquet de nouilles épouvantable. Il y a la bagatelle de je ne sais plus combien, 15 tours du Soleil. 15 tours autour du Soleil, je crois que c'est un record. Hein. 15 pour arriver. Tours, et donc vous voyez en fait. Aux états, c'était 5 tours. Il y a des tas et des tas d'orbites et tout le but du jeu, c'est comme vous avez besoin de Vénus et de Mercure, bah, quand vous passez à Vénus par exemple, vous vous mettez sur une orbite qui fait pile la même période que Vénus. Comme ça, un tour plus tard, vous pouvez refreiner à Vénus. C'est exactement ce qu'avait proposé Bepi Colombo pour Mariner 10 à Mercure. Et ensuite, pour Mercure, c'est pareil. D'abord, on fait une orbite 2-1, c'est-à-dire un tour pendant que Mercure en fait 2. Ensuite, c'est 4 tours pendant que Mercure en fait 5. Et comme ça, on peut passer. Et au sixième survol, là, on devient effectivement dans ce qu'on appelle... des orbites à faible dynamique, c'est-à-dire en fait on a des vitesses suffisamment faibles que Mercure nous aide à nous mettre en orbite. Le dernier survol, quand on a largué le moteur à propulsion ionique, sans même dépenser de carburant, on est déjà dans une orbite très faiblement liée, mais au moment où le moteur chimique se déclenche, C'est pour ça qu'il peut ne pas être très faible. En fait, on s'est débrouillé pour non seulement arriver à vitesse nulle, mais quasiment à vitesse négative, puisque le dernier passage près de Mercure à la mise en orbite, on est déjà en orbite. Elle est instable, mais on est en orbite. Et le tout, parce que moi je l'ai vu de mes yeux vus, Yves Langevin calculant les trajectoires sur une calculette grande comme ça. Oh non, un PC portable. Non, à un moment c'était l'HP, on sait. Bon, et c'est une petite calculette grande comme ça. Je défie quiconque de jouer au billard contre vous, quoi. C'est une mauvaise idée. Personne n'a jamais essayé sur ce coup-là. Ouais. Bon, donc je m'y risquerai pas non plus. Non, un concours de trajectoire, c'est pas un bon plan. Alors, revenons maintenant sur l'intérêt d'explorer Mercure et sa surface, puisque dans l'introduction... Ah, des questions. Des questions ? Ah, des questions. Une question. En fait, bonsoir. C'est en fait sur le calcul des trajectoires. Combien est-ce que vous êtes en soi à vous poser sur le sujet ? Parce qu'effectivement, vous êtes présenté comme spécialiste international, mais derrière, il y a, je pense, toute une... Yves est un cas tout à fait anormal. Hein. Oui, non, mais je me doute. Hein, c'est à côté d'Aquaman, c'est un surhomme. On est quelques-uns, disons, au niveau mondial, à un moment, on était trois. Mais c'est un peu des électrons libres. C'est-à-dire, de toute façon, à l'arrivée, pour que la mission soit sélectionnée, il faut que le centre de calcul orbital de l'Agence spatiale européenne qui est à Darmstadt, vérifie tous les détails. Ouais, l'optimisation, en l'occurrence, on arrive à optimiser avant, même qu'ils étaient un peu surpris, parce que j'aurais dit, vous allez gagner entre 0,7 et 1% en masse, ils ont gagné 0,87. Donc, de ce point de vue, et ce n'est pas évident, parce que l'optimisation... Combien ça représente de type de calcul ou de... Alors, les calculs initiaux, ça va très vite. Moi, ça me... Bon, quand on changeait de créneau, il me fallait à peu près une demi-journée pour avoir une nouvelle orbite. Donc ça va assez vite. Mais ça, c'est ce que j'appelle... Moi, mon rôle, c'est le poseur de piles. Derrière, il y a le poseur de pont. Il faut tout vérifier. Les éclipses, les occultations. Quand est-ce qu'on perd la Terre ? Quand est-ce qu'on perd le Soleil ? Est-ce que la visibilité de l'antenne de l'ESA permet de faire passer les commandes ? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes derrière le Soleil avec une conjonction ? Par exemple, une orbite où vous avez un survol de Mercure derrière le Soleil, c'est interdit. Parce que ça veut dire que pendant cette phase critique, vous ne pouvez pas causer à votre sonde. Donc il y a tout un tas de détails très importants qui, d'abord, donc l'ESOC, le Centre européen, vérifie que la trajectoire est bonne, et réciproquement, il y a une fois où j'aurais dit que leur trajectoire était fausse, ça pouvait servir. Donc d'abord, ils vérifient que c'est bon, et ensuite, ils font l'étude vraiment détaillée. Et ça, moi, c'est pas mon truc du tout. Je leur dis, vous avez une solution là, débrouillez-vous. Alors, une particularité de Mercure, que vous connaissez bien, c'est que Mercure est près du Soleil. Et ce que vous savez aussi, c'est que quand on est en phase d'occultation, on ne peut pas communiquer avec la sonde, tu l'as dit toi-même. Sur Mars, ça peut durer 3 semaines. Donc là, comme on est en permanence près du Soleil, les problèmes de communication entre la Terre et Bepi vont être assez compliqués. Alors c'est quand même un peu plus facile que ce que fait le SONC. Le SONC, c'est le centre de calcul du CNES à Toulouse, qui s'amuse aussi à faire ce genre de sport mathématique pour Philae, pour Rosetta, pour des descentes où il y a plusieurs centaines de milliers de calculs sur un corps qu'on ne connaît pas, un noyau cométaire ou un astéroïde, on connaît beaucoup moins que Mercure. C'est différent. L'avantage de Philae, c'est qu'il n'y a pas de point singulier. Tu vois, quand vous avez une combinaison de propulsion ionique et d'assistance gravitationnelle, pourquoi les gens dans mon genre s'en sortent ? Parce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça dans une grosse boîte, de tirer le levier, on attend et pouf, toutes les solutions sortent. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas possible, ça ? Eh ben non. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que vous avez tellement de cas où un survol planétaire va vous emmener complètement ailleurs, que vous pouvez tomber dans des minimums secondaires. Non, c'est très particulier. C'est un peu un jeu d'arcade. La NASA, d'ailleurs, a eu des très gros succès. Vous envoyez un challenge à des milliers d'internautes en leur disant « on donne 2 billets pour le prochain lancement à celui qui trouve la meilleure orbite ». Vous êtes sûr qu'un malin va trouver quelque chose auquel l'ordinateur le plus gros du monde ne va pas réussir parce que il y a trop de points singuliers, vous ne pouvez pas tout couvrir en faisant bouger un tout petit peu tous les paramètres. Parce que vous bougez un peu le paramètre, c'est l'effet papillon, votre sonde, elle part complètement ailleurs. Et si vous n'êtes pas dans la bonne zone, eh ben vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire en 2017, quand ils ont perdu un créneau, ils étaient un peu dans la mouise, parce qu'en début 2018, ils n'avaient plus de créneau. Ils sont revenus me voir. Ça veut dire que s'il y a une erreur de trajectoire sur Bepi, non, payer cher. Au contraire, oui, on paye cher. Au contraire, on peut la récupérer parce qu'il y a toujours d'autres solutions. La souplesse de la propulsion unique est telle... Ah, t'es en train de pointer un coupable, là, du coup, hop, il nous échappe. Ah bah non, là, c'est raté. Justement, la propulsion unique vous permet de tout récupérer. Alors, ça peut prendre 3 ans de plus, hein. Mais vous aurez toujours une alors solution. Alors voilà, ça c'est fantastique parce que c'est pas le cas pour Mars par exemple. Ah bah, pour quand Mars, vous ratez non. L'insertion, c'est à part nos omis qui avaient un peu de ionique. Et qui s'est planté des tours pour rien autour du Soleil, hein, c'est ça. Et après on recommence. Ah oui, c'est ça, c'est une orbite de parking entre guillemets. Non, où on pas tout à fait, parce que comme on a de la propulsion, on peut se débrouiller pour aller au bon endroit au bon moment. Mercure, la période c'est 3 mois. Donc les tours de Mercure, ça va vite. Vous êtes sur une, vous vouliez aller vers 3 tours de la sonde pour 4 tours de Mercure, vous ratez votre coup, et ben vous passez à 4 tours de la sonde pour 5 tours de Mercure, et vous avez perdu 3 mois. Donc de ce point de vue-là, la combinaison assistance gravitationnelle propulsion unique est extrêmement robuste, et c'est souhaitable parce que si on perd de la puissance, il y a des peut-être que la trajectoire qu'on a choisie, si on perd trop de puissance, on pourra plus la faire. C'est ceinture et bretelles. Voilà. Mais on perd du temps. Un petit retour en arrière. On a parlé de survol de Vénus. Oui. Est-ce qu'on va en profiter pour faire un peu de captation de données, d'observation, allumer les instruments? Un peu. Décalibrer. Et pourquoi un peu seulement? Un peu, mais pas beaucoup. Ça se voit sur la planche. Nous, on a un truc dans le nez. voilà. C'est ça. On est bloqué. La caméra a une sonde qui est accrochée dessus. La planche 7. Si je ne me trompe pas, Yves, tu me corriges? Oui. Donc, sur le MPO, qui est le module au milieu, voilà, un peu à gauche, bonne idée. La face des instruments, c'est bien celle-là. Hein. C'est pas celle-là. Attends, bon. Enfin, c'est l'une des deux. Non, là, il n'y a pas Phébus. Oui, alors. Non, c'est la face où il y a les instruments, c'est la face qui fait face au MTM. En d'autres termes, et tous les instruments qui sont à dire vont, boum, ils regardent le MTM. Donc on n'aura pas dit ça. Il y en a quelques-uns. Il y a Phébus qui a un périscope. Oui. Il y a Phébus va pouvoir travailler. Il y a quelques instruments. Et le magnétomètre aussi. Le magnétomètre, les plasmas vont pouvoir avoir des choses. Mais vous n'aurez pas d'image parce que. Pas d'image de Vénus. La caméra, elle a un satellite sous le nez. Pas de spectre. Il y a une petite webcam qui traîne quand même. Voilà. Donc on a prévu la webcam pour les internautes, on est sympa. Mais c'est ça fait toujours plaisir de servir les internautes, voilà, et le grand public, parce qu'on est friand de nouvelles images, même si on a déjà vu Vénus, évidemment. C'est toujours intéressant de voir, on ne sait jamais ce qui peut se passer à la surface d'une planète comme Vénus. Toujours un petit espoir. On verra d'abord les nuages, la surface. Mais là, on verra surtout les nuages, malheureusement. Et une particularité assez amusante de MMO, qui s'appelle Mio, donc, c'est que son antenne grand gain, que vous voyez tout à fait à droite, c'est ce disque blanc, est évidemment despiné. MMO tourne sur lui-même et il faut que l'antenne elle soit toujours vers la Terre. Donc il y a un asservissement très pointu. Une question. Ah. Une question très rapide, bonsoir. Qu'est-ce qui motive cette mission vers Mercure plutôt qu'une autre planète? Ah bon, on l'a abordé au début. Pardon, mince. ou d'une manière générale, peut-être que vous y avez déjà répondu, mais qu'est-ce qui oriente ce choix, notamment vu la durée des missions et ce que ça génère? Oui, on va y revenir. Voilà, on va plonger un peu sur la science mercurienne, voilà. Comparée justement à la Lune. On va y arriver, c'est un des chapitres à venir. Donc, pas d'observation majeure de Vénus, c'est un peu dommage. Pas de survol de la Terre? Si, il y en a un. Il y en a un. Le premier, c'est le survol de la Terre. Mais pareil, on est bloqué par le MTM. Ouais. Donc pas d'image. Donc juste une vieille photo de webcam. En fait, le survol de la Terre, voilà, c'est la faute Ariane 5. Parce que quand vous allez vers une planète, eh ben, il faut partir à un angle qui n'est pas toujours dans l'équateur. Oui. Or, Ariane 5, ce qu'elle sait faire le mieux, c'est lancer dans l'équateur. Ah oui. C'est pas qu'elle part de Kourou, c'est qu'elle n'est pas réallumable. Et donc, la direction dans laquelle vous partez est exactement à l'opposé de Kourou. Donc vous pouvez choisir dans le plan, vous attendez le bon moment, par exemple sur Bepi Colombo d'ailleurs, on avait 2 minutes pour lancer. Parce que c'est la position de Kourou dans la rotation autour de la Terre qui va vous dire dans quelle direction la sonde va partir. On m'a dit une seconde. Oh non, ce char, il est... Deux minutes. Il faut attendre 24 heures. Voilà. La fenêtre de tir est vraiment... Donc Ariane 5 est pas le... Ouais. C'est un très bon lanceur pour aller en orbite géostationnaire qui est dans l'équateur. Il est conçu pour ça. Pour aller vers Vénus, ce qu'on commence par faire, et ben en l'occurrence, il faut attendre 1 an et demi. C'est-à-dire on fait 1 tour et demi pour rien. Et c'est la Terre qui nous envoie dans la bonne direction en dehors de l'équateur. Ça coûterait trop cher de le faire avec le moteur. Oui, allez, voilà. Musique. Mercure est tout près du soleil, allez la voir, c'est chouette. Pour y arriver, c'est pratique, prenez vos calculettes. 1-0,2, c'est 0,8 dans un moteur chimique. Plus on freine et plus on accélère autour de Jupiter. Ne prenez pas Smartone, mais plutôt Autolib. 8 km/s, c'est du moteur ionique. Mais avec l'électrique ou le moteur hybride, en profitant de l'éclipse, tu peux lâcher la bride. À Darmstadt, on a essayé le moteur à la bière. La NASA, elle préfère le loto de grand-mère. Mais 3 tours de Mercure plus 5 tours de la sonde, c'est le cocktail magique pour découvrir un nouveau monde. Mercure est tout près du soleil, allez la voir, c'est chouette. Bravo. Alors justement, la science. La science à bord de BepiColombo, la science autour de Mercure. Je le disais dès le départ, en fait, Mercure est une planète méconnue. Parce que finalement on ne l'a pas exploré depuis, même depuis la Terre on a l'habitude d'utiliser des radiotélescopes, d'utiliser des télescopes au sol, des télescopes en orbite, et finalement le problème avec Mercure c'est sa proximité au Soleil, y compris depuis chez nous, quoi. Moi j'ai une question dans l'assistance, que ceux qui prétendent avoir vu Mercure à l'œil nu lèvent la main. Ah, au coucher du Soleil il y en a 3, bravo. En plein jour. Il y en a 2, il n'y en a plus que 2. Mais à Paris, c'est pas facile. Voilà. Non, simplement, simplement pour s'assurer, être convaincu qu'on a vu Mercure, il faut des éphémérides. En gros il faut qu'on vous l'ait dit. Et parce que ça ressemble comme une étoile pas loin du Soleil, tout simplement. Oui. Alors que Vénus est tellement intense qu'on la voit tout de suite, Mars est orange, on la voit tout de suite, bon, etc. Mais Mercure, moi qui regarde le ciel, je suis incapable de vous dire que j'ai vu Mercure. Voilà. Il faut que tu viennes à l'observatoire de Triel ou à l'observatoire de la Sorbonne, à la SAF, juste en face. On te montrera Mercure. J'ai vu Vénus en plein jour à midi. Il y a des gens qui savent trouver dans le ciel Vénus en plein jour à midi. Effectivement, pour revenir au sujet, c'est clair aussi qu'envoyer observer très près du Soleil, ça vous éblouit les télescopes, enfin c'est compliqué. Pour les radiotélescopes, c'est pire parce que le Soleil, c'est la source la plus intense du ciel. Eh oui. Donc c'est pas très facile, c'est possible, mais c'est pas très simple. Donc pendant des siècles, Mercure a été l'objet qui était le plus difficile à observer. Il y avait les transits de Mercure où tout le monde regardait parce qu'on voyait un petit point noir sur la surface du Soleil. Ça se passait bien. Mais c'est pas simple à observer de la Terre. Néanmoins, tu l'as dit, Gilles, en intro, Mercure était relaté déjà par les Sumériens, 3000 ans avant Jésus-Christ. Oui, ça fait 5000 ans. Il n'y a pas un découvreur de Mercure. Depuis que l'astronomie existe, Mercure était déjà découvert. C'est mentionné dans les Noumaïdes. Alors, la surface, Francis, encore une fois, à nouveau, vu de loin, vu de très très loin, on compare Mercure et la Lune, pour le profane, c'est finalement assez proche. Alors qu'en réalité, pas du tout. Oui. Évidemment, c'est une planète extrêmement... Très, très loin. Même pas très très loin. Moi, j'ai fait le test avec plusieurs personnes. Je montre une image prise par Messenger. J'ai dit, regardez, elle est belle la Lune. Ils ne voient pas que c'est Mercure. Donc finalement, Mercure ressemble... Elle n'est pas plus cratérisée que la Lune ? Elle n'est pas forcément... Il y a des particularités qui sont liées au fait que Mercure a connu des épanchements de lave absolument gigantesques. Gigantesques. C'est ce qu'on appelle des volcans effusifs. Comme la Lune. Les marées de la Lune, mais ça, c'est un impact. Ça, c'est différent, c'est un impact. Non. Le remplissage, c'est du volcan. Alors, le remplissage, il est effusif. Oui, mais la cause, c'est l'impact. Il a raison, tellement, fais gaffe. Ah, merci. Mais là, il n'y a pas eu d'impact. Là, il y a probablement eu des volcans effusifs, c'est-à-dire un volcan qui crache de la lave. D'accord. Mais sans panache, plumes, sans panache. Oui, c'est effusif, c'est-à-dire donc le type de lave. Alors si vous regardez l'image, c'est une baignoire qui se remplit par le fond, quoi. C'est ça. Il y a un peu de ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire absolument incroyable en Indonésie. Il y a l'équivalent d'une société de prospection minière qui fait un test de forage. Bon, et puis, il y a de la boue qui sort. Bon, il y a de la boue qui sort. Tant pis. Ils sont partis. La boue est sortie. La boue a couvert l'équivalent de la taille de la Belgique. Et je crois qu'elle continue toujours à sortir. C'est une source artésienne. C'est, voilà. C'est, donc, si on perce la terre, on peut avoir... ça veut dire que tous les paysans autour, c'est terminé. Leurs champs sont recouverts de boue. C'est un désastre régional, mais un vrai désastre. Si vous prenez la page 2... Quelles sont les spécificités du coup de la surface de Mercure par rapport à une surface comme la Lune? Il y a des choses... D'abord, il n'y a pas ce qu'on appelle les mers. Sauf si Yves me contredit, mais il n'y a pas les mers lunaires. Et pourtant, il y a Mercure. Des cratères d'impact majeurs parmi les plus grands cratères du système solaire. Vous savez que les mers sont en fait des bassins, c'est-à-dire c'est le cas où l'impact a percé la croûte. C'est ça la définition d'un bassin par rapport à un cratère d'impact. Or, la Lune a deux yeux, une bouche, ça ce sont des mers et qui s'est remplie par le fluide qui était en dessous. Puisque la Lune, comme Mercure très probablement et comme Mars, voire la Terre, est passée par une phase d'océan de magma. Alors, tout était magmatique. Et évidemment, ça s'est refroidi par l'extérieur, donc on a eu une croûte. Mais cette croûte était fine, et puis quand ça a bombardé, parfois ça a percé la croûte, et ça donne les mers. Là, il n'y a pas de mer sur Mercure. Néanmoins, il y a des choses assez curieuses. Si vous voyez la page 2, c'est 2, j'ai pas mis les lettres, oui c'est 2, on a pu mesurer que Mercure, comme Mercure s'est formé comme les autres il y a 4,5 milliards d'années, Mercure s'est refroidi. Et en se refroidissant, Mercure s'est contracté. Et donc vous voyez ces rides qui barrent à peu près la photo dans le premier tiers de la page 2. Ce sont l'analyse de ces rides spécifiques qui a permis de mesurer de combien de kilomètres le diamètre de Mercure a diminué depuis 4,5 milliards d'années. Ça s'est contracté. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que si vous regardez l'histoire de la géologie sur Terre, jusqu'à Alfred Wegener et la tectonique des plaques, il y avait justement un modèle concurrent pour la formation des mêmes montagnes, qui était justement la contraction de la Terre. C'est un Russe en particulier qui défendait énormément ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des montagnes? Si vous avez une surface où ça diminue en dessous, ça se plisse. Effectivement, ça marche très bien, mais sur une autre planète qui s'appelle Mercure. Donc en fait, il avait raison, il s'était juste trompé de planète. Sur la Terre, c'est la tectonique des plaques, c'est les collisions qui soulèvent les Alpes encore d'un millimètre par an ou pas loin. Et qui continuent à soulever. Un millimètre par an. Alors après, sur la même image, vous avez des cratères d'impact avec parfois un piton central, donc ça, c'est pas très assez original. Standard. C'est assez standard. Vous avez quand même des tas de petits reliefs, des petites taches. Et ça, c'est assez mystérieux. Non. Il y a effectivement d'autres taches claires. Alors, les taches claires, on y reviendra. Mais il y a tous les petits monticules. Ah, d'accord. Et ça, c'est assez mystérieux. Est-ce que ce sont des mini-volcans qui se sont très rapidement éteints? C'est quelque chose qui n'est pas très bien compris, mais toute la page 2, là, est clairsemée de petits... espèces de gros boulders, enfin, de gros rochers en relief. Si vous regardez la page 1, la page de gauche, évidemment, c'est des fausses couleurs. La photo de gauche, oui. La photo de gauche, c'est du Mercure. Mais ce sont des fausses couleurs, c'est-à-dire qu'on fait en sorte, avec les caméras multispectrales de Messenger, d'optimiser les contrastes et les variations de couleurs qui représentent des variations de composition chimique. On a ça aussi sur la Lune, ça donne des belles mosaïques colorées, comme ça, avec des matériaux. Et je crois que c'est Caloris Bassine que vous voyez, Caloris Bassine qui est au milieu, qui est l'un des plus grands bassins d'impact. De tout le système solaire. Alors, il y a un débat de savoir si c'est sur Mars ou... Avec ou Hélas, si c'est peut-être avec, non, avec celui qui a formé... Du Nord. Oui, au Nord. Ah oui. Valhalla n'est pas mal non plus sur Callisto. Oui. Aitken sur la Lune est énorme aussi. Oui. On peut y arriver. Sur la page de droite... il est terrible. La page de droite, vous avez un cratère avec des doubles remparts. Ça, c'est assez intéressant. Mais ce n'est pas pour ça que je vous montre cette image. C'est ce qui est dans le petit zoom qui a été fait. C'est ce qu'on appelle les holos. Et ces holos, vous voyez qu'au centre de ce creux en français, c'est en creux. Ce qu'il faut voir est en creux. Et en plus, c'est plutôt bright, c'est-à-dire c'est plutôt brillant. Et c'est assez mystérieux. C'est-à-dire que sur Mars, on dirait un effondrement. Ah non, c'est... Sur Mars, ça sera un effondrement. Il oui. y a des holos sur Mars, exactement. Oui. Savoir si c'est le même mécanisme, c'est pas certain. Ça, c'est pas certain. Oui. Il semblerait qu'il y ait un phénomène d'explosion de surface. Ben, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que la surface a peut-être accumulé des gaz qui sont venus en surpression, qui ont fait exploser la partie superficielle de la surface. Et ensuite, ça a probablement dégazé par la suite. Et ça donne cette tache blanche qui est percée de creux. Est-ce qu'on aura de l'imagerie à haute résolution de ces structures-là, à quelques dizaines de mètres ou quelques mètres? Typiquement, la caméra, là, c'est l'instrument dont je suis un copier. La caméra fait 5 mètres par pixel, au plus près, et le spectromètre infrarouge fait à peu près 40 mètres. Alors, il faut savoir d'ailleurs que, bon, on parlait de Messenger tout à l'heure, ils n'ont pas pu tout faire, et en particulier, l'une des choses qu'ils n'ont pas pu faire, c'est de la bonne spectroscopie de composition. Très honnêtement, le rapport ciel sur bruit dans l'infrarouge, par exemple, est proche de 2, c'est-à-dire rigoureusement inexploitable. Ils n'ont pas pu tout faire, tout, essentiellement parce que les ressources étaient limitées. Le pointage devait être antisolaire parce qu'ils étaient derrière un bouclier et donc ils ne voulaient pas cramer. Donc vous aviez le soleil derrière, vous faites le tour de la planète, vous essayez de regarder avec la caméra qui gigote sur la droite. Bon, ce n'est pas de la tarte pour refaire une bonne carte, je peux vous dire. Donc ils ont fait des choses, mais ils n'ont pas pu tout faire. Donc juste une précision donc, sur la spectroscopie. Faut voir que les deux principales différences entre Mercure et la Lune sont d'une part la taille du noyau, donc vous avez 80% du rayon occupé par un noyau en fer, et donc vous avez des très grosses différences de composition. La composition de la Lune à la surface et la composition de Mercure, ça n'a rien à voir. Il n'y a pratiquement pas de fer à la surface de Mercure, puisqu'il il a été totalement bouffé par le noyau. Vous avez donc des compositions, il y a plus de calcium, enfin il y a tout un tas, et c'est probablement ces différences qui explique que la géologie n'est pas la même. Puisque finalement, par exemple, les creux dont a parlé Francis, c'est peut-être que vous avez une géologie plus alcaline, donc avec plus de sodium et de calcium, et moins de fer. C'est pas la même composition, le comportement n'est pas le même. Donc, à grande échelle, vous voyez des cratères, oui, c'est un corps sans atmosphère. Oui, c'en est pris plein la gueule, donc vous voyez des cratères d'impact. Donc ça ressemble. Mais quand vous regardez plus en détail, la composition a complètement modifié l'histoire géologique de la planète par rapport à ce que fait la Terre. Est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a jamais eu d'atmosphère ou qu'elle l'a perdue très rapidement ? Oui, là, c'est trop petit et trop près du Soleil. Vous avez deux facteurs. Qu'est-ce qui vous conduit à perdre une atmosphère ? D'abord, le fait que la vitesse des gaz, en particulier l'oxygène ou l'hydrogène, est proche de la vitesse de libération. Donc vous avez la distribution de Maxwell. Quand vous avez une certaine température, il y a des molécules... Tu veux dire vitesse thermique des gaz ? Oui. Ah, le mot thermique, il n'était pas. Il fait très chaud en prime, donc votre atmosphère est très chaude. Donc la probabilité qu'une molécule de l'exosphère de Mercure dépasse la vitesse de libération parce qu'elle est dans la partie haute de la courbe de Maxwell est énorme. Et ça va très vite. Dès que vous avez même quelques pour mille de molécules qui peuvent échapper, dire, ça sent bon. Et Mercure, donc, a un champ gravitationnel moins fort que Mars, et l'échappement de Mars est probablement la cause principale de l'assèchement de la planète Mars. Parce qu'en fait, c'est l'hydrogène qui s'est barré, et donc vous n'avez plus assez d'hydrogène pour faire de l'eau sur Mars. Donc sur Mercure, c'est tellement petit et tellement près du Soleil, avec tous les photons qui vous ionisent, toutes les particules chargées qui contribuent, parce que dès que vous êtes ionisé... On n'a pas le temps de faire une atmosphère. C'est surtout que dès que vous êtes ionisé, pouf, le champ magnétique vous... Tant que vous êtes neutre, le champ magnétique, on s'en fout. Mais dès que vous êtes ionisé, le champ magnétique joue un rôle et vous emmène complètement à dame. Il y aurait eu des aurores polaires ou des aurores équatoriales Mais il y en a encore. Il y en a encore. On voit les nuages de sodium. Des phénomènes plasmiques. Des aurores particulières. Oui, mais les nuages de sodium autour de Mercure se voient depuis la Terre. Depuis la Terre. Oui. Et donc l'exosphère de Mercure, il y a des grands sujets d'études, justement parce que l'exosphère de Mercure, elle est directement liée à la surface. Si vous voulez, vous prenez la Terre, par exemple, l'exosphère de la Terre, c'est l'atmosphère. Sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Donc tous les atomes que vous voyez autour de Mercure, en fait, ils viennent de la surface. Alors, un mot, exosphère, vous avez compris que c'est une atmosphère dynamique. Hein. C'est, en moyenne, il reste un petit peu d'ion autour. On est à 10-14 atmosphères. La Lune aussi, d'ailleurs. On dit qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, mais il y a cette exosphère extrêmement tendue. Dans le cas de Mercure, il y a un tiers de potassium, 25% de sodium, et après de l'oxygène, un peu d'argon, un peu d'hélium. Alors, potassium et sodium, en fait, c'est évidemment l'interaction du vent solaire avec la surface. Dans les océans, le potassium et le sodium, ça fait le sel. Mais là, ces atomes sont relâchés et constituent la majorité de l'exosphère de Mercure. Alors, moi, je voulais en venir aux glaces au pôle. Eh bien oui, j'allais y venir. J'allais y venir. Comme sur la Lune, Francis, nous aurions au pôle Nord et au pôle Sud. Je dis bien nous aurions. Hein. Non, tu peux dire nous avons. Oui. Nous avons. Peut-être plus que sur la Lune, bizarrement. Peut-être plus que sur la Lune. Ça a été mesuré non pas par Messenger, mais d'abord par des mesures radar d'Arecibo et Goldstone. En 91 et 94, c'est écrit sur la slide. Donc à gauche, le pôle Nord. Sur la diapositive. À droite, le pôle Sud. Et en fait, c'est la réflexion de ces pages 3. La réflexion des ondes radar sur la glace donne des points brillants. Et donc là où il y a la flèche North Polar Ices et South Polar Ices. Donc des endroits où le soleil n'éclaire jamais. Oui, parce que Mercure n'a pratiquement pas de saison, comme la Lune. Et donc il n'y a pas d'axe d'inclinaison de rotation. Et donc certains pôles peuvent rester en permanence dans le très très froid. On descend à moins 180 degrés. C'est-à-dire presque la température de l'azote liquide. Donc dans l'ombre en permanence, avec de la glace, et on sait que c'est de la glace d'eau. Ça peut pas être de la glace carbonique ? Ça peut être. C'est pas de la glace pure. En fait, c'est plein de cochonneries. Et d'ailleurs, Messenger a déterminé qu'il y avait de la matière organique sombre en plus. Ah ! Oui. Donc l'eau étant souvent la glace la plus, comme sur les comètes, la plus abondante. Mais vous allez trouver un peu de CO2, un peu de NH3, un peu de ceci, un peu de cela. Mais aussi de la matière organique, parce que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'évidemment, comme sur la Lune, cette glace d'eau vient du bombardement des comètes et des astéroïdes hydratés. Est-ce qu'on a des météorites en provenance de Mercure Je crois que c'est possible mécaniquement. Il y a un débat de savoir si on en a une ou deux. Ouais, enfin, mais c'est pas évident. Il faut qu'elle sorte, c'est toujours pareil. C'est ça, il faut qu'elle arrive. Mercure en énergie, c'est très loin de la Terre. C'est beaucoup plus facile d'arriver. Alors, le plus facile et de loin, c'est d'arriver de la Lune. Oui. Ensuite, d'arriver de Mars. Et Mercure, c'est 10 fois plus difficile. Donc, effectivement, l'idée que pour qu'une météorite arrive de Mercure, il faut qu'elle arrive déjà à aller suffisamment loin pour se faire accrocher par Vénus. Et c'est Vénus qui a peut-être une chance de l'emmener plus vers l'extérieur et de taper la Terre. Donc, on est vraiment dans le gros truc marginal. Oui, c'est ça. Mais si vous lisez le livre de Mathieu Gounel sur les météorites, moi, il y a une phrase où il dit vous savez qu'on a à peu près 40 000 météorites dans les collections. Ces 40 000 objets viendraient de seulement 90 objets au départ. Sachant que beaucoup de ces objets sont des astéroïdes qui ont explosé. Donc c'est une famille d'objets. Mais si cette famille fait 1, à la fin, ces 40 000 météorites viennent de 90 objets. Ce qui est quand même extrêmement peu. Pour avoir une bonne météorite, rien ne vaut d'avoir un corps qui pète près d'une résonance dans la ceinture de l'astéroïde. Ouais. Ça marche très bien. Y a-t-il d'autres questions? Tout le monde sait. Voyez, ça vient. J'avais une question, en fait, c'était par rapport à la contribution en fait du Japon dans l'aspect scientifique et dans la mission en elle-même. Parce que tout à l'heure, on a vu que la mission a été délicate à amener par rapport à la concurrence de la NASA. L'ESA, à l'époque, n'avait pas trop de poids. Qu'est-ce qui a fait que le Japon, avec la JAXA, a été sélectionné pour l'aspect scientifique? Alors, je dirais qu'il a été sélectionné aussi. En fait, si vous voulez, c'est un peu le pendant, avec un partenariat différent, de ce qui s'est passé sur Cassini entre la NASA et l'ESA. L'ESA était un partenaire minoritaire. Mais la présence de ce partenaire, peu de gens sont au courant, mais sans l'Europe, Cassini aurait été annulé. Comme la mission Kraft, qui devait faire un rendez-vous cométaire, qui a laissé la porte ouverte pour Rosetta d'ailleurs, quand, en 90-91, il y a eu un monsieur qui s'appelait Goldin, qui a dit « c'est des conneries tout ça, ces grosses missions qui coûtent très cher et qui prennent 30 ans, moi je vais vous envoyer des suppositoires tous les 2 ans, qui vont mettre 6 mois, ça coûtera moins cher ». Et ça, c'est ce qu'on appelait le faster, the better, cheaper. Donc pour Cassini, la présence de l'Europe a empêché la NASA d'annuler. Et ben pour Bepicolombo, effectivement, pour le Japon, y voyait un intérêt parce que tout seul, leur fusée ne permettait pas d'atteindre Mercure. Et l'Europe, y voyait 2 avantages. Le premier, c'est que certains, à l'époque, avaient déjà cette idée que l'Asie, en termes de partenaire spatial, la Chine, le Japon et l'Inde, en 95, c'était pas grand-chose. Mais regardez aujourd'hui ce que représentent le Japon, la Chine et l'Inde. Donc il y avait un intérêt stratégique pour l'Europe de se positionner sur le marché de la collaboration avec les pays asiatiques. Et d'ailleurs, c'était profondément juste. Aujourd'hui, ces trois agences-là, surtout la Chine et le Japon, mais aussi l'Inde, doivent représenter pas loin de 15 à 20% du PNB mondial. Donc il y avait un gros intérêt. Et d'autre part, le Japon pouvait fournir, ils avaient une bonne habitude des satellites dédiés au plasma. Ils ont fait le satellite médiastosphérique, qui est beaucoup plus petit. Hein. Il fait 300 kilos, péniblement. Le satellite européen fait pas loin de 800... Mio, pardon. Le Mio est petit. Pour les Japonais, c'était techniquement plus facile, parce qu'un satellite qui tourne, Francis l'a un peu expliqué, un satellite qui tourne, pour le refroidir, c'est beaucoup plus simple, parce que même près du Soleil, dès que vous faites face à l'autre côté, il vient de le signaler, vous voyez l'espace froid, vous êtes potentiellement à 190 K. Donc un satellite qui tourne, c'est beaucoup plus facile à refroidir. Donc c'était techniquement faisable pour les Japonais. Ils avaient fait ce genre de satellite, en particulier à Katsuki, qui malheureusement n'est pas arrivé à Vénus, qui était un peu dans ce style. Ils y voyaient un intérêt technique et scientifique majeur, parce que leur communauté solaire plasma est très forte. Et l'Europe y voyait d'abord l'intérêt d'un partenariat fort qui faisait gagner un peu de sous, mais ajoutait de la complexité, et aussi stabilisait la mission. Parce que ça devenait un enjeu quasiment géopolitique. Et donc, la raison, je pense, que le Japon, comme l'Europe a empêché d'annuler Cassini, il est à peu près certain que sans le Japon, l'Europe, enfin l'ESA, aurait pu annuler Baby Colombo, entre autres pour de fort bonnes raisons, qui est cette dérive incroyable au niveau technique, qui est fait, quand vous passez de 1200 kilos à 4 tonnes et de 800 millions d'euros à 1,6 milliard, les gens peuvent quand même vous dire à un moment, est-ce bien raisonnable? Donc il y avait quand même des arguments assez forts, et la présence du partenaire japonais a joué un rôle majeur, parce que vis-à-vis des pays asiatiques, quand vous leur dites on y va, et que 5 ans plus tard vous leur tirez la carpette, pour récupérer votre crédibilité dans la culture locale, c'est pas un cadeau, je peux vous dire. Francis, est-ce que tu peux nous parler, justement, on parle de collaboration internationale, donc l'Europe, dans l'Europe, évidemment, il y a plein de pays, dans l'agence qui compose l'Agence spatiale européenne, donc quelles sont un peu rapidement les contributions de nos amis allemands, suisses, italiens, français, russes? Oui, alors, je rappelle quand même que dans les missions de l'Agence spatiale européenne, Les instruments ne sont pas financés par l'Agence spatiale européenne. Donc les instruments sont financés par les pays, ce qu'on appelle les États membres de l'ESA. Et donc la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, etc. Et chacun finance comme il veut et comme il peut, le but étant d'avoir une charge utile complète. Nous, on s'est impliqué beaucoup sur un instrument sur lequel on a la responsabilité scientifique, c'est l'Atmos, et c'est Eric Kemeret qui en est le responsable, c'est le spectre UV. Le spectre ultraviolet. Spectromètre ultraviolet. Voilà. Et le spectromètre ultraviolet, il est beaucoup dédié à l'observation de l'exosphère. Donc c'est pour ça qu'il a un périscope qui va balayer l'exosphère, plus les aurores, mais un peu moins la surface. Alors, je me trompe pas. Oui, les Italiens ont... Parce que les Italiens travaillent beaucoup avec leur industrie. C'est pas des labos. Alors que nous, en France, c'est des labos. Labos universitaires ou des labos, des labos du CNRS. Du CNRS. L'Italie, c'est un contrat dans l'industrie. Et c'est un gros industriel qui s'appelle Leonardo, qui s'appelait... Enfin, qui a changé de nom trois fois. Et cet industriel a proposé un bord optique dans lequel il y a une caméra, un spectro-infrarouge et un deuxième spectro-imageur qu'on appelle Symbiosis. Et Symbiosis... c'est la grosse manip italienne sur laquelle le laboratoire de Yves Langevin a eu un rôle important sur notamment la calibration de l'instrument et des fournitures internes. On fournit l'électronique de commande de l'instrument, rien que ça. Voilà. Et le logiciel de bord, donc par exemple, il y a le commissioning. Ce qu'on appelle le commissioning, c'est la première mise en quand vous êtes en vol. Oui. Bon, la recette en vol. Et on est évidemment très sollicité parce que c'est là qu'on va vérifier que... Le module électronique qui est censé piloter les trois instruments qui font partie du complexe répond bien aux commandes, qu'on récupère bien les données, qu'il n'y a pas de problème de transmission, donc on sera en première ligne. Ça, c'est du 5 au 7 décembre que ça doit se produire, sauf contre-temps. Voilà, alors, on a quand même beaucoup d'instruments, hein, oui. Entre les deux modules. Oui. C'est énorme. C'est quand même assez rare. Beaucoup, quoi. Ah, c'est beaucoup. En gros, MPO, c'est à peu près 10 sons d'instruments. C'est comme Juice ou Cassini. Oui. Et puis ensuite, côté MMO, c'est regroupé par deux suites d'instruments. Donc un instrument plasma, genre 5. Tout ce qui est les ondes. Ondes radio, plasma, ouais. Et puis un instrument qui est uniquement plasma particules, c'est-à-dire des spectromètres de masse qui captent les signaux. Mais je voudrais revenir rapidement Alors, fait quoi ? Il y a d'abord de la Médine. Ah, il y a de la musique. Désolé, je fais un petit point pour savoir en fait s'y reconnaître dans ce système solaire. J'ai un problème, je crois que c'est la lune. Oh, j'ai un problème, je crois que c'est Mercure. Le moyen d'en être vraiment sûr, c'est de faire un trou pour voir s'il y a des coulures. J'ai un problème, je peux pas casser la croûte. Oh, ça me donne faim, mais sache que ça me coûte de te donner raison, mais oui, c'est sûr. C'était pas la lune, ouais, c'était bien Mercure. Si tu n'es pas ridé, non, tu n'es pas Mercure. Si tu as un bassin, alors tu es la lune. Si tu sens très mauvais, un peu comme ma Harley, alors tu es la Terre, car tu es pollué. Mercure et même la Lune sont bien mieux préservés. Bravo. Alors, revenons à nos instruments scientifiques. Oui, bon, rapidement. Mais par exemple, les Suisses et les Allemands ont fait un laser altimètre. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que dans le cas de Bepi, on est tout près du Soleil, on a plein de photons. Donc, comme on a un problème thermique, si vous regardez la planche de Bepi Colombo, c'est-à-dire la planche numéro 7, vous voyez qu'il n'y a aucun instrument qui dépasse. Oui. Ils sont tous derrière ce qu'on appelle la peau du satellite. Et il y a des tout petits trous. Ça c'est une particularité de MPO. Et les tout petits trous, pourquoi petits ? Parce qu'on a beaucoup de photons, donc on n'a pas besoin de gros trous pour faire entrer les photons. Et derrière, vous avez une caméra, un spectre infrarouge, un ceci, un cela. Mais le laser altimètre, ce n'est pas le cas. Le laser altimètre, c'est un laser qui tire, et puis vous allez récupérer 3 photons. Donc il vous faut un gros trou. Et là se pose un grave problème, comment éviter que 450 degrés de chaleur se mettent à rentrer dans MPO. À l'intérieur. Donc il a fallu faire un filtre très particulier qui empêche les infrarouges de rentrer. Et ça, ça a été notamment une réalisation française, mais c'est un instrument qui est à la fois suisse et allemand, et d'ailleurs qu'on retrouve sur Juice. Donc en fait, c'est vraiment de la collaboration jusqu'au cœur des instruments. C'est pas simplement nécessairement un pays qui fabrique son instrument, oui, et qui le livre. On n'y arrive pas. En général, oui, il y a ce qu'on appelle des montages un peu compliqués sur beaucoup d'instruments. À tort ou à raison, l'intérêt scientifique, c'est que vous démultipliez les communautés scientifiques. Donc là, c'est très positif. Par contre, ça complexifie un petit peu la réalisation parce que chacun s'en fait son morceau. L'orchestration, le chef de projet. Il faut définir une interface et c'est faire attention. Alors, et encore, de ce point de vue-là, les missions planétaires sont plutôt relativement bien placées, à part les consortiums plasma qui sont très complexes, parce que typiquement, un consortium comme Symbiosis, il y a essentiellement deux partenaires, la France et l'Italie. À un moment, il y a la Suisse, mais ils se sont fait virer, parce qu'ils n'ont pas pu fournir. Donc, deux partenaires, c'est à peu près gérable. Dans les grandes missions d'astro, vous avez des instruments d'une complexité folle, comme un instrument sur Herschel, où il y avait la bagatelle de 24 labos de 17 pays. Chacun faisait son morceau. Le traitement sol, il y avait 540 work packages répartis à travers le monde. Bon, là, ça devient, au niveau organisationnel, des cauchemars absolus. Les missions planétaires, c'est pas pour dire que c'est simple, mais un partenariat à 2-3 contre... labo ou industrie majeure, ça va encore à peu près. Par contre, les cultures ne sont pas les mêmes. Par exemple, Francis l'a dit, l'Italie fonctionne avec un industriel, la France avec des laboratoires spatiaux. Par exemple, si vous regardez ce qu'on appelle le coût consolidé, une manip en France, c'est à peu près payé à part égale par les salaires des personnels dans les labos et par le CNES. C'est à peu près du 50-50. En Italie, ce n'est pas ça du tout. L'ASIP, l'Agence spatiale italienne, passe un contrat avec l'industriel qui prend tout en charge. Et les scientifiques sont un peu marginalisés. Ils regardent le truc, on leur dit à un moment, vous aurez bien... Vous aurez des résultats, vous aurez des données. Non, vous aurez on vous fera la manip quand elle marchera. Donc le principe n'est pas le même. Ouais. Et donc, il y a des problèmes de culture qui sont compliqués. C'est intéressant, ça, quand même. Oui. D'ailleurs, on a ce même problème au CNES pour les expériences d'observation de la Terre, qui sont des très grosses expériences, 300 kilos, faites par l'industrie. Les scientifiques sont exactement en cas italien. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui fait les manips, et après, il faut trouver les scientifiques pour déployer les données. Oui. Et là, je peux vous dire qu'on a des téraoctets qui tombent parce qu'on est tout près et ça soulève des problèmes difficiles. Donc, de ce point de vue-là, l'intégration technique-scientifique des missions planétaires est quand même meilleure que dans d'autres domaines. Et ça simplifie. Parce que, par exemple, Francis a mentionné l'exploration de la Terre. Quelqu'un qui fait les deux, qui est Jean-Loup Berthaud, une très grosse manip d'observation de la Terre qui s'appelle GOMOS, il n'a pas pu assister à l'étalonnage de son instrument. On lui a dit, revenez, quand tout sera fini, on vous donnera l'instrument avec ses modes de fonctionnement, un mode d'emploi. C'est du délire. Pour bien exploiter un instrument, il faut être partie prenante à son développement et surtout à la manière dont il est validé. De A à Z, bien sûr. Et GOMO, ça a coûté 20 fois le prix de la manip planétaire équivalente, faite par le Latmos. Voilà, le rapport, ça peut atteindre un facteur 20. Ça, c'est un vrai sujet. Alors bon, c'est plus gros, on vous explique sur tous les tons que les contraintes opérationnelles, mais néanmoins, l'industrie s'en met plein les poches dans ce genre de... Alors, puisqu'on parle finance un peu, là, combien ça coûte BepiColombo, hors lancement, puisqu'on sait que le lancement, c'est encore un poste de dépense particulier. Non, c'est très peu. Alors, tout compris. Alors. C'est ridiculement faible, le lancement. Une Ariane 5, c'est 150 millions d'euros. C'est cadeau. Ouais. L'ensemble de la mission est probablement du côté d'un milliard 400 millions. Un milliard 4 à peu près. Un milliard 4, un milliard 5 avec la charge utile, c'est dans ces eaux-là. Enfin, et combien de personnes travaillent, en gros, ont travaillé de près ou de loin sur Les scientifiques, je dirais qu'il y a probablement, enfin, dans les différentes équipes, directement, je dirais de l'ordre de 300 par là. Mais avec toute l'exploitation des données qui va suivre, c'est au moins deux ou trois fois plus. Ouais. Et à nouveau, relativisons. 1,5 milliard, c'est énorme. Mais souvenez-vous qu'on est en train de parler de 1995 à 2030. Oui. Donc, c'est à peu près le même prix que Rosetta. Hein. Oui. Alors, c'est évidemment énorme pour le commun des mortels, mais il s'agit d'un programme international et il s'agit effectivement d'un programme sur trois décennies qui va encore nous donner des données et des informations à traiter sur plusieurs décennies à nouveau. C'est un peu le maximum qu'on peut faire au niveau européen. Après, les Américains, quand ils font JWST, on atteint 10 milliards. Donc, plus précisément. C'est plus la alors là, même classe. On se gausse à juste titre du doublement à peu près du coût de BepiColombo. Le successeur du télescope spatial, qui est donc JWST, télescope Hubble, a été vendu à la NASA, enfin, a été approuvé par la NASA à 800 millions de dollars. Il est aujourd'hui à 10 milliards. Donc chacun peut balayer un tout petit peu. Il y en a qui savent déraper, quoi. Oui, voilà. Il y en a qui dérapent mieux que d'autres. Et au niveau des retards, JWST, anecdote, au Conseil scientifique de l'Agence spatiale européenne, quand j'y étais en 2003, on nous a imposé de payer l'Ariane 5 qui devait lancer le JWST. Il voulait gagner 150 millions d'euros sur le coût du lancement, parce que ça faisait 800 millions. Si on leur avait dit qu'à l'arrivée, ça ferait 8 milliards, ils ne seraient peut-être pas emmerdés à aller chercher un lanceur européen. Oui. Et donc à l'époque, on nous a dit « Oh, il faut absolument que l'Europe achète le lanceur pour JWST parce que ça devait partir en 2008. Il va peut-être partir en 2022. » Donc là mais c'est même pas sûr. Hein. Ouais. Pas sûr. Bon. Par là. Alors Yves Langevin, qu'est-ce qui vous... deux questions en fait d'un point de vue de la science. Un, qu'est-ce qui vous surprendrait qu'on pourrait découvrir sur Mercure et qu'est-ce que vous attendez en fait de BepiColombo? Alors, bon, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Ce qui pourrait me surprendre, c'est déjà le mode de formation, pour lequel on a vraiment encore beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il y a eu une collision majeure qui fait que Mercure, au départ, était deux fois plus gros qu'il est aujourd'hui? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des indices comme quoi, effectivement, il a pu se former à une distance un peu différente du Soleil? Pas beaucoup, parce que la probabilité... Il faut voir que dans ces problèmes de migration planétaire, c'est très dur de se croiser. Si Mercure s'était aventuré au niveau de Vénus, eh ben il serait pris Vénus dans la tronche. Donc soit il y aurait une collision, soit Vénus aurait éjecté. Encore plus loin. Donc en tout cas, le mode de formation est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. le rôle particulier d'un noyau aussi gros pour l'évolution de la planète et donc ces processus géologiques assez bizarres qu'on voit à la surface et effectivement tous ces problèmes d'interaction avec des flux énormes, des températures très élevées entre l'environnement d'une planète et directement sa surface sans aucun bouclier quelconque du style atmosphère, même la mésosphère a du mal. On dirait que c'est les trois points sur lesquels j'attends quelque chose. Le mode de formation pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, mais aussi dans les autres systèmes solaires. Bien sûr. La géologie particulière et l'interaction entre l'environnement et la surface. Et j'ajouterai et savoir Francis, si oui ou non il y a une impact géant. Oui, est-ce que Mercure a perdu sa croûte et une bonne partie de son manteau? Oui, c'était peut-être une planète plus grosse qui, par un impact dans un milieu très fluide, a éjecté énormément. Et le ça, on devrait savoir, on devrait raisonnablement, on devrait pouvoir là, pour le qualifier. Le coup, une connaissance globale. Hein, c'est pas comme ça qu'on le détermine. La composition est un critère majeur. Les variations de composition, la manière dont on peut préciser l'histoire géologique de la planète au début de sa formation, va nous aider. C'est pas du 0 et du 1, mais disons. C'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre de dire un peu comme l'histoire. Quand vous prenez l'histoire de la Lune, au début, c'était la bouteille à l'encre totale. Vous aviez trois modèles complètement différents qui s'affrontaient. Il y avait la fission qui était défendue par les chimistes. Vous aviez la création en orbite qui était le petit système solaire autour de la Terre. Et vous aviez la capture qui plaisait bien à d'autres. Et en fait, aucun des trois ne marchait. C'est ça. Et ben, en fait, il a fallu rassembler les trois en un seul modèle qui est le modèle de l'impact géant. Car les chimistes avaient raison, les physiciens aussi. Donc, quelque part, c'est de cet ensemble d'éléments qu'on va recueillir sur l'ensemble de la surface de Mercure. C'est ça la grande spécificité de Bepicolombo. Par exemple, par Messenger a très bien fait le boulot qu'il pouvait faire. Il a cartographié 30% de la surface de la planète avec des instruments dont certains sont pas loin d'être aussi bons que ceux de Bepi et d'autres étaient beaucoup moins bons. Et certains instruments sont complètement manquants. Par contre, mais là, on est quand même plus complet. On n'est pas complet, par exemple. Il n'y avait pas d'altimètre. Oui, il n'y avait pas d'altimètre, ce qui est un vrai problème. C'est une petite mission. Il ne faut pas demander l'impossible. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas les opposer. D'ailleurs, pour être très précis dans l'histoire de l'exploration de Mercure, Sean Solomon, qui est le PI de Messenger, a dit lui-même textuellement que la relation avec Bepi n'a jamais été conflictuelle. Oui, pour une planète qui est très mal connue, il y a la place pour une petite mission d'abord. C'est ça. En orbite, puis une grande mission qui va plus près qu'à deux satellites, qui fait des choses plus compliquées. On devrait, avec les différents survols, on devrait avoir à peu près combien de couvertures sur la surface? On est en orbite. On est en orbite basse. Oui, bien sûr. Toute la surface. L'un des modules se met en orbite. Aura la même résolution. En combien de temps? Ça va prendre 2 ans. 2 ans pour cartographier toute la surface. Alors juste une analogue pour bien vous montrer ce rôle des petites missions et des missions dites de caractérisation globale. En fait, Bepicolombo, ça va être la base de référence pour toute la suite. Vous voulez poser un atterrisseur, vous utiliserez Bepicolombo. Pourquoi? Parce que vous aurez la carte complète avec la même résolution, les mêmes instruments partout, et pas 40% observés et pas les 60% autres. Et de ce point de vue-là, si vous prenez la découverte de Vénus, la première carte radar de Vénus, c'est une sonde soviétique qui l'a fait, Venera 17. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la carte de Vénus par radar de Magellan. Parce qu'elle est complète et à la même résolution. Et c'est pas pour diminuer en rien l'apport de la mission Venera 17. Ils pareil ont fait pour la Viking, pareil, par rapport à Mariner 9. Mariner 9 fait une première cartographie de Mars. Oui. Viking fait mieux 5 années plus tard. Et Mars, Mariner 9, ça devient la base belle. De référence. Tout et ça n'enlève rien à la découverte. Donc il faut bien voir, c'est une progression normale. Vous avez un survol qui vous dit tiens, il y a quelque chose à voir. Puis une petite mission qui creuse le sujet et qui vous démontre ce qui n'était pas évident, que ça n'est pas la Lune. Messenger a donné ce message de façon claire. Et derrière, vous avez la mission qui va faire la base de données complète sur l'objet planétaire dont on va servir pour toute la suite de l'exploration. Alors, une anecdote voilà ce que j'en attends, en fait, sur l'atterrisseur. Parce qu'il y a eu un atterrisseur à bord. Parlons de Mercury surface. Il y a eu, mais il n'y a plus. Il y a eu, mais il n'y a plus. Moi, je me souviens très bien d'un exposé, c'était les Allemands, encore une fois, qui s'étaient lancés là-dedans. Ils allaient très loin, les Allemands, parce que, alors, d'une part, ils posaient leur atterrisseur, ce qu'on appelle au terminateur. Oui. Qu'est-ce que le terminateur? C'est la zone jour-nuit. C'est juste à la frontière jour-nuit. Pourquoi? Parce que c'est là où la température est acceptable. Vous avez 430 degrés quand vous êtes à midi solaire, et vous tombez à moins 180 la nuit. Donc on a un écart de 600 degrés sur Mercure. C'est et, et en prime, le nuit, vous n'avez plus, plus d'énergie. Donc vous vous posez au Terminator. Alors déjà, Yves va vous expliquer pourquoi c'est très compliqué de se poser sur Mercure. Mais ils avaient en plus mis un, ce qu'ils appelaient un IDD, Instrument Deployment Device. C'est une espèce de micro-rover. Un micro-rover, tout grand, petit. Voilà, grand comme qui ça. Qui devait juste qui devait sortir de l'atterrisseur et aller se promener sur quelques mètres. Et là, je me souviens, l'ingénieur qui faisait l'exposé, il disait, ben là, on a un problème. Parce qu'on ne sait pas très bien comment on va se poser. On est au Terminator, on a un soleil rasant, très bien. Si mon IDD, il sort côté soleil, il est à 400 degrés. S'il sort côté ombre, il est à moins 150. Moi, je ne sais pas faire. Voilà, et ça, c'est les débuts de la mort de, du lander. Ce gradient thermique est un cauchemar. En tout cas, bon... Alors, comment on se pose sur Mercure? Oui. Alors, l'autre élément de la mort de l'atterrisseur, c'est qu'au au départ, tout le monde a fait youpi youpi. Vous avez 1200 kilos au départ, comme j'ai dit tout à l'heure, dont 200 kilos pour le module d'atterrissage. Et les gens se disent, bon, allez, on met 16% de la masse pour avoir... ce qu'on... Alors, un atterrisseur, c'est pas si con que ça. Pourquoi? Parce que à cause justement de ces problèmes d'altération spatiale dont j'ai parlé, avoir au moins un point où vous avez en géologie ce que vous appelez la vérité terrain. Vous avez la vraie mesure sur place et vous pouvez la comparer avec la vision du même endroit vu depuis la sonde orbitale. C'est très intéressant. Vous stabilisez toutes vos interprétations de la détermination de la composition de l'objet. Donc personne ne conteste. Et puis pour la géodésie, avoir une sonde, enfin, un point de référence en surface, c'est très important pour ce qu'on appelle les librations, la relativité générale, parce que Mercure, c'est très intéressant pour ce type d'objectif. Donc, personne ne conteste l'intérêt d'un atterrisseur. C'est simplement que Mercure est l'endroit de tout le système solaire où il est le plus difficile d'atterrir, parce que c'est le plus gros corps sans atmosphère. Et donc, il vous faut quasiment une fusée à deux étages, parce que vous ne pouvez pas mettre de parachute. C'est plus dur encore que sur Huygens. Ah ben, Huygens, il y a une atmosphère, tout va bien. On freine. Avec un parachute. Il n'y a pas besoin de dépenser de carburant. Le bouclier, il chauffe. Il vous... Alors, c'est, pas... c'est plus dur que sur les Galiléens, les satellites de Jupiter. Oui. Oui, beaucoup plus dur, parce que la vitesse de libération fait 5,1 km par seconde, alors que, par exemple, Europe, qui est un objectif majeur pour les atterrisseurs, la vitesse de libération, c'est 1,9, c'est 3 fois moins. Et ben, un module de propulsion chimique va vous donner 1,9 les doigts dans le nez. Vous pouvez poser sur Europe au moins 50% de masse utile par rapport à la masse que vous larguez depuis l'orbiteur. Sur Mercure, c'est un facteur 20. Et donc, à un moment de développement du projet, on n'avait plus une Soyouz. On avait une Soyouz pour les deux orbiteurs et une Soyouz pour l'atterrisseur, Tout seul. Et si l'autre se plantait, on ne pouvait pas avoir les données. Le tout pour 7 jours à la surface. Et à un moment, le chairman du groupe système solaire... C'est pas très raisonnable ce que vous êtes en train de faire. C'était moi, qui était très intéressé par la mission, leur a dit, vous savez quoi? Avec ce truc-là, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut arrêter les frais parce qu'une une mission complète pour l'atterrisseur et l'autre qui va mettre les deux orbiteurs dont vous avez de toute façon besoin pour avoir les données, on va dans le mur. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, non seulement le Soyouz numéro 2 avait disparu, mais le Soyouz numéro 1 avec uniquement les deux orbiteurs était passé à 2 tonnes, la Soyouz ne marchait plus et... En 2018, on en avait 4 tonnes sans l'orbiteur. Donc les 1200 kilos avec l'atterrisseur, on s'est rendu compte que l'atterrisseur, c'était au moins une tonne. Premier prix, départ de la Terre, et en fait plus. Et donc, quelque part, c'est un objectif extrêmement complexe et où le rapport qualité-prix n'y était plus. C'est tout simple. Aussi vous simple avez tué ça. L'atterrisseur sur Mercure. Oui, mais c'est peut-être le même syndrome de ce qui va se passer avec Europa Lander. Et c'est beaucoup plus simple. Europa Lander... Plus simple. Okay. Non, pour ce que tu viens de dire, oui. On l'a compris. Mais en termes de delta V, mais en termes de radiation, tout. Francis, parce que là, en termes de radiation, à cause de Jupiter. C'est beaucoup plus compliqué. À cause de Jupiter. Et l'environnement, la surface d'Europe s'avère extrêmement rugueuse, d'une part, et en plus, probablement fragile. C'est-à-dire que l'engin peut... Et vous tuez tous nos rêves, là. On aime bien se poser sur des surfaces inconnues. Définitivement tuer votre rêve. Le grand défenseur d'Europa Lander, M. Culberson, qui était un représentant du Congrès, a été battu au mid-terme. Ah, donc, fait partie de la Blue donc Wave. Beaucoup de gens disent Europa Lander, c'est mort. Mais pour vous donner l'ambiance, dans le projet Europa Lander, dans le projet Europa Clipper, tous les scientifiques ne rêvaient que de voir disparaître l'atterrisseur. Ils étaient terrorisés, parce que c'était le baiser de la mort pour eux. Parce que c'était... du retard, du coût, de la complexité. Alors que Europa Lander, sur le fond, si vous vous dites, j'investis 400 kilos de mon bilan de masse pour avoir 200 kilos à la surface, vous vous dites, bon, au moins, ça tient la route. Enfin, vous admettrez quand même que... Je crois qu'on envoyait 10 tonnes vers Jupiter, quand même, hein. Oui, ouais, hein, ah oui, il y a quand, ouais, même, quand c'est même déjà des gros morceaux. Pas Europa Clipper. Ah, c'est énorme. Non, oui, c'est quand même énorme. Europa Lander. Enfin, non, pas du tout. Tout ça arrive. Je pense que parmi vous, certains étaient peut-être derrière leurs écrans, ou peut-être même à la Cité des Sciences, quand nous nous sommes posés sur, avec Huygens sur Titan, ça donne quand même un peu de frisson de découvrir un autre monde. Oui, mais... Vraiment, parce que c'est mais humain, ce en fait. De... Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que Huygens, Titan, c'est un bar. D'accord ? Titan, c'est l'inverse. Gravité faible, atmosphère d'un bar. Titan... Ah, mais Titan, c'est la Terre. Non, c'est la Terre en beaucoup plus léger. En plus léger, en... Pour capturer une sonde d'atterrissage sur Titan, c'est beaucoup plus facile que sur la Terre. Donc on était dans le meilleur cas possible avec Huygens. Il n'y a pas mieux dans le système solaire que Titan pour... J'aime bien souvent dire que dans le cas de Huygens, un peu comme sur Vénus, c'est le cas unique au monde. On a ouvert un parachute... Mais en fait, ce parachute était tellement gros pour freiner qu'on l'a largué pour en ouvrir un petit, pour accélérer la descente. Et en plus, ensuite, on s'est posé. Et Vénus, c'est pareil, il y a 90 bars. Donc le problème que vous avez, c'est pas assez d'atmosphère, c'est trop d'atmosphère. Donc Vénus... Le... Oui. Ah oui, non, mais je me souviens bien, la descente Vénus, fut longue et lente. Vénus, votre problème, c'est la température, il fait horriblement chaud. Donc vous avez du mal à dissiper la chaleur parce qu'autour, c'est à 700 degrés. Mais du point de vue dynamique, vous avez le bilan de masse. Donc vous n'allez pas dans le mur. Donc effectivement, même Mars, 6 millibars, c'est pas des masses. Pareil, avec un bon bouclier, vous posez la moitié de la masse que vous avez en orbite. C'est un très bon rapport qualité-prix, une atmosphère. Parce que ça vous freine pour, sans dépenser d'énergie. Sans dépenser d'énergie. Et ça, vous dissipez... Oui, parce qu'on dissipe 99% d'énergie, c'est ce que va se passer lundi. On va freiner, on arrive à combien, 5, presque 6 km seconde. Alors, il faut de la masse pour le bouclier. Donc, il faut freiner très vite. Oui, mais... Vous... 90% avec le bouclier. Voilà. Et ça coûte rien. C'est juste... Et le bouclier vous coûte la moitié de la masse pour qu'il tienne, bon. Mais c'est bon. C'est pas demain qu'on verra les mondes, les mondes Mercure. Non, mais l'écorce en atmosphère, où est-ce que vous avez des atterrisseurs? Itokawa. Atterrir sur un astéroïde ou une comète, c'est quand même pas simple. Et Philae, pourquoi? Et même Philae, ça n'a pas été de la tarte, quand même, si vous vous souvenez de l'épisode, parce qu'il n'y a pas de gravité. Donc le problème, c'est presque de le maintenir à la surface. C'est de pas rebondir. De pas rebondir. Par partir. Donc effectivement, pour les corps en atmosphère, les astéroïdes, très bien. Les comètes, tout va bien. Europe, ça va encore, en masse, mais il y a les problèmes de radiation, comme mentionné Francis. Mercure, c'est l'horreur. Donc, si vous voulez un jour faire une mission intéressante sur Mercure, il faudra vous poser la question, y a-t-il encore un orbiteur pour envoyer le relais, voir les affaires TGO pour ExoMars. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. C'est d'ailleurs pour ça que quand Elon Musk a sorti cette image où il a mis son Raptor sur Europa, il ne faut pas tout croire ce que dit Elon Musk. Lui, il envoie des hommes sur Europe, lui, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Non, mais ça se fera peut-être un jour. Ouais. Mais... Et Europe, sur Europe, je peux préférer. Oui, avec la radiation, pas gay. Mais en tout cas, Europe est plutôt. Très sain. Est plutôt le meilleur cas parmi les 15 corps planétaires, à part les radiations, pour le bilan dynamique qui m'intéresse moi, c'est Europe. C'est celui qui a le champ de gravité le plus faible. Y a-t-il d'autres questions? Ah! Oui. Ah, arrivé de Paola. Donc, peut-être vous avez déjà parlé de cette question caractère anthropologique, mais par curiosité, je pense avoir entendu qu'il y a une seule PI, Principal Investigator, femme, et elle est japonaise. Alors, c'est une première aussi pour la mission BepiColombo, le fait d'avoir finalement une PI femme, et quel est l'instrument, quel est votre avis? Il y en avait sur Cassini des PI d'instruments. Oui, mais elle parle de BepiColombo. Oui, sur Bepi, il y en a une, oui. Mais pour être très honnête, l'Europe n'est pas géniale dans ce domaine. Si vous prenez JUICE, il y a 11 instruments, il y a une femme PI qui est Michèle de Garty, anglaise, sur le magnétomètre. Donc on n'est pas à l'épreuve des balles. Bon, il y a quelques... On peut citer Ariel quand même, où la mission Exoplanète, dont la responsable scientifique est Susanna Parenti, qui est italienne travaillant en Angleterre. Donc c'est pas si noir. Mais c'est vrai que le spatial, il y a encore un gros boulot pour arriver à la parité. On ne le dira jamais assez, il n'y a pas assez de femmes. Mais d'ailleurs, sur InSight, lundi prochain, il y aura un plateau équilibré, autant d'hommes et de femmes sur notre plateau. Le copier d'InSight, Suzanne Strauss-Brécard, est une femme. Puisqu'on a parmi tous nos comptes bancaires un PEL, un livret bleu, de l'argent à l'appel, on peut se payer un lancement Ariane 5 pour décrypter toute la logique de toutes les couches géologiques de Mercure, la planète thermique. Puisqu'on est n'a tourné en orbite basse, en moins de 2 ans, on va pouvoir enfin faire main basse sur le Google Maps en version Mercure. Plutôt que de poser un rover pile poil sur le Terminator, là où il fait chaud ou froid selon l'heure, on va voler et voir de haut tout ce qu'il y a de beau. On peut remercier Bepi Colombo. Merci Bepi Colombo. Ouais. Bravo. Merci. Wow. Merci public. Waouh. Donc je le disais, leur tourne, ouais, mais on a encore évidemment le temps pour des questions. Il y en a déjà. Ah, voilà, magnifique. Sinon, j'en avais aussi en réserve. On a une question d'Internet qui veut savoir si Bepi Colombo fait déjà de la science en étant en voyage. Ça fait déjà de la science en croisière. Oui. En fait, on l'a un petit peu expliqué. À cause du module NTM, beaucoup d'instruments ne peuvent pas fonctionner pendant la croisière. Donc, il faudra attendre 2025. Et quelques instruments sont on, notamment le magnétomètre, qui est déjà probablement on. Et on utilisera le spectre UV pendant les survols de Vénus, notamment. Ça va être intéressant. Et de Mercure. Et puis, certains instruments plasma de MIO. J'aime bien dire MIO. Alors, sachant que les antennes ne sont pas déployées parce qu'ils sont... Voilà. Ils ne tournent pas. Donc, ça sera assez dégradé. Mais voilà un peu la science qu'on aura. Et heureusement, ils ont mis des webcams pour nous montrer des images quand même. Alors, une autre question. Alors, je ne sais pas si ça sera la dernière, mais justement, il y a quelqu'un qui était connu pour avoir toujours une dernière question avant de partir, qui s'appelait Colombo. Et justement, c'était d'où vient le nom, qu'est-ce qui a déterminé le nom de la sonde, puisqu'il y a Monsieur Colombo, dont je suppose que c'est la photo sur une des pages. Là, on voit un tout petit sur une autre, donc j'ai cru le reconnaître. Mais j'avoue que c'est pas quelqu'un qui m'est tellement connu jusqu'ici. Oui, alors, on l'a expliqué au début, c'est lui. Bepi Colombo est la personne qui a donné l'idée à la NASA qu'on pouvait avoir 3 survols avec Mariner 10 au lieu d'un pour sans dépense de carburant. Et donc c'est lui qui a contribué à la première mission d'exploration de Mercure. Alors juste une anecdote amusante. Alors attention, Bepi c'est un surnom. Hein. Oui. C'était son surnom. Alors pourquoi c'est Bepi? Giuseppe oui. Colombo. Mais l'histoire est amusante. Ça vient d'un procès quasiment. Oui. Exactement. Un bon petit tour en descendant, mais c'est suffisamment rare pour être souligné. On l'a dit peut-être avant que vous soyez arrivé. La NASA n'est pas connue pour accepter facilement de changer une mission qu'elle a déjà lancée quasiment sur l'initiative d'un scientifique européen. C'est assez italien, atypique. Et par contre, juste un détail, pourquoi Bepi Colombo? Au départ, on s'est dit, on va mettre Colombo. Et là-dessus, il y a eu, je ne sais plus quelle autre mission qui nous a dit non, ça c'est déjà pris, Colombo, Columbus, sur l'ISS. Il y avait trop de Christophe Colomb dans le paysage. Et donc, on nous a imposé de mettre ce Bepi un peu ridicule devant ce pauvre Colombo. Et nous, on voulait Colombo tout seul. Alors, je voudrais rajouter une chose, c'est un peu la Pizza Connection. Nos amis italiens sont très forts. Ils arrivent à imposer les noms des missions et à mettre leurs scientifiques. Donc c'est le cas de Bepi Colombo. Je dois dire que personnellement, mais j'espère que Yves, tu agis dans ce sens, je souhaiterais que Juice ne soit plus un jus de fruits. Ah ben j'ai essayé. Je souhaiterais que Juice redevienne la place. Oui. Et par chance, c'est un Français. Oui, non, on a essayé. Donc, faut faire une pétition mais en ligne. On va y arriver. On va pas garder Joyce. C'est ah bah Joyce, je le trouve ridicule. Comme c'est nom. Ridicule. C'est ridicule. Et donc, il faudrait que tous nos gens qui tweetent disent, il faut que je débaptise, changer à la place, voilà. Qui est mais qui bon, le nom, message est qui passé. Lui revient. Qui est d'ailleurs l'ancêtre de pour Joyce. Défendre le nord de la France, rappelons quand même que Cassini, bien qu'italien de naissance, est considéré comme un astronome français. Ouais. Alors, autre question. Bonsoir. Moi, je voulais savoir. Comment se déroulait le contrôle de la trajectoire au quotidien ? Enfin, une fois que c'est lancé, comment se déroule au quotidien ou je sais pas de quelle façon le suivi de la trajectoire effective physique de la sonde dans l'espace et dans quelle mesure on était capable, si jamais il y a une dérive ou quoi que ce soit, dans quelle mesure la sonde est capable de corriger sa trajectoire depuis la Terre ? Ok. Alors, de ce point de vue-là, bon, première remarque, oui, c'est un sujet intéressant. Donc, vous avez ce qu'on appelle le suivi radio. C'est-à-dire, en fait, par les méthodes Doppler, avec des très grandes antennes, vous avez des antennes de 34 mètres, typiquement, qui suivent les sondes européennes. Elles font 64 mètres quand on a besoin de la NASA, mais en Europe, on a trois antennes de 34 mètres à peu près tous les 120 degrés. Il y en a une en Australie, une en Argentine et une en Espagne, pour faire le tour du cadran. Et donc, vous suivez le signal radio de la sonde et vous arrivez à la positionner vraiment très bien parce que vous avez, pour des objectifs scientifiques, BepiColombo a deux systèmes radio avec deux longueurs d'onde, ce qu'on appelle la bande X, qui est la bande standard, et une autre bande beaucoup 10 fois plus grande de fréquence, qui est la bande K. Et en combinant les deux, vous vous affranchissez des perturbations du milieu interplanétaire. Donc vous arrivez, par des méthodes dites de géodésie spatiale, à positionner la sonde à une dizaine de mètres près. Vraiment, c'est très précis. Donc vous savez où elle est. Là je te suis pas, excuse-moi. Oh, bon, c'est à peu près. On fait à peu près 10 mètres maintenant. En tout cas, demain, Luciano Yas y arrive très bien. Donc, pour préciser oui, maintenant. Mais pas pour la navigation interplanétaire, c'est pas oh, vrai. Oh bah, demande-lui. Bon. Où elle est masquée, non ? Ah, ben bah, elle est très. Non, elle est masquée quand elle est derrière le Soleil. Oui. Ça, c'est clair, mais ça dure typiquement 15 jours. Là-dessus, elle ressort, on la retrouve. Et il ne faut pas oublier que quand vous êtes en orbite, il n'y a rien. Si vous ne faites rien, vous ne changez pas d'orbite. Parce qu'il y a conservation du moment cinétique et de l'énergie. Et donc, le plus difficile à faire, c'est de changer l'orbite. Alors, si Yves me laisse parler un petit peu, je vais. D'abord, sur Messenger, les gens qui opéraient Messenger ont dit c'est de la navigation par gros temps. Oui, parce qu'il y a pas mal de. Et ouais, donc ce que tu viens de dire, c'est pas tout à fait vrai. Dans le cas de Mercure, la navigation par gros temps, c'est-à-dire que s'il y a un changement d'attitude de Messenger qui s'y se retourne, il crame. Oui, donc là, c'était extrêmement délicat à la navigation. Sur la navigation interplanétaire, c'est beaucoup plus compliqué ce que vient de dire Yves, mais on va pas rentrer dans les détails, parce que l'effet Doppler, c'est le béaba. Le oui. Tout début, la première chose qu'on fait, les Soviétiques dans les années 60, on faisait que du Doppler. Oui. C'est pas suffisant. Après, on fait du delta d'or, c'est-à-dire qu'on essaye de faire la triangulation entre deux antennes au sol et la sonde. Et après, vous avez des méthodes de ranging qui vous donnent aussi la distance entre la sonde et la Terre. On sait où elle est. Alors, les Américains sont champions du monde de la navigation. Je vous rappelle quand même qu'ils ont planté MCO. Donc, même les meilleurs se trompent. Oui, mais ils ont planté MCO parce que Mars Climate Orbiter. Ouais, ils se sont plantés dans la navigation. Non. On ne peut pas nier. Non. Si. Non, ils sont plantés. Ils sont plantés parce que l'industrie comptait en pieds et la NASA comptait en mètres. Enfin bon, ok, non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si. Non, si. C'est pas vrai. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est une erreur de navigation. Attends, je termine quand même la réponse. Ah non, on n'est pas d'accord là-dessus. Sur BepiColombo, donc on l'a expliqué, il y a une caractéristique très précise. Non, parce qu'en général, il a raison. Ouais, enfin, sur la navigation, excuse-moi, là. Mais, non. Bon, en tout cas, pour préciser, si par hasard. Il y a une dérive. Donc, il faut voir que la propulsion ionique nous donne. On va changer l'orbite tout le temps, en fait. Puisque, comme l'a dit Francis, pendant un an et demi, on change l'orbite pour se rapprocher d'abord de Vénus, puis de Mercure, puis pour tomber sur le Soleil. Donc, en fait, on passe son temps à changer l'orbite. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on s'aperçoit du sol qu'on n'a pas tout à fait ce qu'on veut ? Bah, la prochaine poussée, on va dire, ah bah tiens, on va la tourner un peu, on va baisser la. Est-ce qu'il y a un ordinateur de bord qui prend aussi des décisions par lui-même Non. Non. Non. Il y a un ordinateur de bord qui exécute ce qu'on lui donne. Qui envoie tout ça, mais c'est très dangereux de le laisser faire tout ça. Il y a un ordinateur de bord qui suit le contrôle d'attitude de la sonde bien avec sûr. Des senseurs stellaires. Et qui renvoie les informations. Mais pour le contrôle de trajectoire. Pour garantir que ça pousse bien dans bien la bonne sûr. Direction. Et ce n'est pas lui qui prend la décision de corriger la trajectoire s'il y a une dérive. C'est au sol qu'on dit. S'il y a une dérive, on le voit du sol. C'est ça. et on dit, ah tiens, on voulait pousser dans ce sens-là, et ben on va mettre 10 degrés de plus pour corriger. Moi j'ai une... Alors, il y a une question. Qu'est-ce qui est prévu de... Quel est le destin de la sonde Bepi? Il va s'écraser. Alors, il va s'écraser tout bêtement, parce que est-ce que c'est pas l'occasion de, c'était pas l'occasion d'aller, vu qu'on s'approche du Soleil, de faire un dernier voyage vers, vers l'astre? On peut pas. On part. Non, parce que quand vous êtes en orbite, vous avez dépensé 800 mètres par seconde, ça a pas l'air énorme comme ça, mais en propulsion chimique, 800 mètres par seconde, ça veut dire 30% de la masse que vous avez à ce moment-là. Vous les avez plus. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Pour ressortir de Mercure, il faudrait les mêmes 30% de la masse pour partir dans l'autre sens, parce que les 800 mètres par seconde, ils sont là pour se mettre en orbite, vous en avez aussi besoin pour repartir. Donc c'est cuit, vous êtes autour de Mercure. C'est plus facile de donner l'impulsion pour plonger, pour terminer le grand. Et donc le problème que va avoir Bepi Colombo, c'est que vous avez en prime les perturbations du Soleil, les perturbations liées au champ de gravité qui n'est pas parfaitement symétrique, même si la croûte, elle, est particulièrement sphérique. Donc ces perturbations vont vous modifier l'orbite, vous dépensez un peu de carburant. Avec les célèbres 4, en fait, qui sont 8, il y en a 4 de chaque côté, les contrôles d'attitude, vous êtes obligé de les utiliser régulièrement pour garder la même orbite, qui est à peu près 400 km au plus près et 1500 km au plus loin. Là, je vous parle du satellite planétologique européen. Et donc, tôt ou tard, vous n'avez plus de carburant, qu'est-ce qui va se passer? Votre orbite, elle va commencer à se déformer et le point bas va finir par taper la surface. Et à ce moment-là, vous avez une collision. Et on a une chance extraordinaire, c'est que Mercure n'est pas un objet qui est soumis à des contraintes d'exobiologie. Ça, c'est fou quand même. Quelle chance. Alors qu'il y a de la glace d'eau au pôle. On a échappé au COSPAR. Comment ça se fait que le COSPAR ne... Il n'y a pas de vie, écoute. Gilles, tu fais le naïf, là. J'ai pas dit qu'il y avait de la vie, mais... Tu fais le naïf. Non, l'exobiologie, c'est le bref de la vie. Non. Bien sûr, mais... On est à la température de l'azote liquide dans les pôles. Donc voilà, on est très très froid. Donc on a échappé aux contraintes. C'est comme les pôles de la vie. Ah, vous êtes dur quand même. Bien sûr qu'il n'y a pas de vie. Sur Europe, ils n'ont pas le droit. Il y a de la matière organique. Parce que vous allez polluer la vie naissante des océans d'Europe, c'est très mauvais. Donc... Mais Messenger est quand même descendu à 14 km d'altitude. Oui. Donc a fait vraiment du rascaillou. Et ils avaient le droit parce que c'est Mercure. Et ensuite, sa déformation dont parle Yves, c'est pareil sur la Lune, hein. Ça se déforme et boum, à un moment ça tape. Oui. Et voilà, et ça a tapé. Mais pour vous dire à quel point c'est un bonheur de ne pas avoir le COSPAR, c'est que vous prenez par exemple une mission vers Mars, je crois que les instruments de MSL, il a fallu tous les étuver avant de les mettre sur la sonde à 200 degrés C pendant 3 heures. Ça, c'est et normal. Les ingénieurs voient ça avec terreur, littéralement. Parce qu'on vous met au four pendant 3 heures. Enfin, on n'est même pas sûr que ça suffise. Je sais pas, à InSight, c'était quoi la décontamination? C'était cool? Oui, on est propre. On est propre, mais il n'y a pas de décontamination biologique poussée. Oui, heureusement. Voilà. Mais bon, c'est vraiment un cauchemar. Sur le dernier point, sur les orbites, parce que c'est une anecdote amusante, c'est que vous savez que les Américains veulent mettre une station spatiale en orbite lunaire. Problème, les orbites lunaires ne sont pas stables. D'ailleurs, si vous regardez toutes les missions en orbite lunaire récentes, il n'y en a qu'une qui dure longtemps, c'est l'américaine. C'est Lunar Reconnaissance Orbiter. Chandrayaan, un an, boum. Chang'e-1, un an, boum. Ils impactent. C'est-à-dire que ce n'est pas stable, déformation, et ça tape la surface. Le Lapin Jade, 2 jours, mais c'est... Or, il va me laisser parler. Les Américains sont très contents parce qu'ils ont trouvé des orbites stables autour de la Lune. En fait, l'orbite est stable si vous tournez dans l'autre sens. Si vous êtes rétrograde, à ce moment-là, les perturbations terrestres sont complètement chaotiques, et donc ça ne vous déforme plus l'orbite. Et donc, la station spatiale sera sur une orbite qui est rétrograde, haute altitude. Si on a une... Par le calcul. Oui. Mais voilà. Non, ils ont cherché, parce que sinon, ça ne marche pas. Non, le maintien en orbite d'une station comme ça, c'est un cauchemar. La mission vers Jupiter, où on va mettre un orbiteur de Ganymède européen, effectivement, il y a eu un gros boulot de fait pour trouver une orbite qui soit la plus stable possible. Elle n'est pas parfaitement stable, mais elle peut être maintenue à très faible coût. Et il n'y a, pas tellement de solutions, effectivement. En l'occurrence, il y en a deux. Et celle qu'on a prise est une inclinaison probablement rétrograde de 98 degrés. Ah, une dernière question avant ma remarque finale. Oui. Deux. Combien il y a d'intelligence artificielle sur Bepi Colombo? On a dit tout à l'heure, l'ordinateur, il ne contrôle rien à bord. Et dans les autres missions de planétologie... Je crois qu'il n'y en a pas. Non. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. On a horreur. Actuellement. Peut-être on pourrait en mettre sur Curiosity numéro 2. Le numéro 1 n'en a pas. l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est j'apprends par le réel. Oui. Mais c'est donc on ne va pas le faire en opérationnel sur la navigation, parce qu'il y a de l'intelligence sur les senseurs stellaires. Mais bon, c'est pas de l'intelligence artificielle. On maîtrise parfaitement le champ d'étoiles et tout ça, c'est du classique. Il y a eu des débuts d'intelligence artificielle sur Spirit et Opportunity pour éviter... Non, c'est du soft. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est pas du machine learning. C'est de la programmation. C'était l'autonomie de navigation. C'est l'autonomie de navigation. Alors, on n'est pas d'accord. Non, l'intelligence artificielle, c'est autre chose. C'est du machine learning. On le laissait tranquille pendant quelques heures. Mais si vous voulez, ce que tout le spatial, les scientifiques, entre autres, pas que les ingénieurs, ont horreur, c'est ce qu'on appelle les boucles fermées de décision. C'est-à-dire le système qui est dans son coin à 700 millions de kilomètres ou je ne sais pas où, et qui décide, pour des raisons connues de lui seul, de faire quelque chose plutôt qu'autre chose. Ça, les gens ont horreur de ça, parce que c'est la meilleure méthode pour planter la mission. Donc le plan, c'est, vous avez un problème, au rapport, et on regarde ce qu'on fait du sol, tranquille. Alors, l'autre question. Oui, c'est pas une question, c'est juste une petite rectification qui nous vient de Twitter. Vous avez dit qu'il y avait une seule femme PI qui était japonaise sur la mission, mais vous avez oublié Emma Bunce, qui est une anglaise et qui est PI du spectromètre à MXS. Tout augmente. Deux femmes PI. C'est qui la deuxième? Emma Bunce. Une anglaise. Oui, moi j'ai une question, en fait, c'est celle que j'ai l'habitude de poser à la fin, en fait, c'est. Quand on envoie effectivement la mission, toutes les décisions ont été prises des années auparavant, le matériel embarqué, tout a été fait auparavant. Et donc en soi, quand la mission est envoyée, elle est quelque part déjà obsolète. Qu'est-ce que, admettons, avec les dernières recherches qui ont été amenées, qu'est-ce que vous aimeriez embarquer, admettons? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez embarquer en particulier ou pas du tout? Alors, ça c'est une question complexe. Alors la première remarque déjà, c'est que bon, certes, on ne peut pas tout ajuster, mais par exemple, c'est évident que sur le plan d'observation scientifique de BP Colombo, on ne va pas se fermer les yeux et ignorer totalement ce qu'a fait Messenger. On va beaucoup s'appuyer sur ce qu'a fait la mission d'avant, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas au départ, puisque Messenger a eu ses résultats en 2011, en orbite essentiellement. Donc oui, bien sûr, tous les éléments nouveaux qu'on peut avoir par Messenger ou du sol, comme les cratères, dont la glace dans les cratères polaires, tout ça, ça permet d'ajuster le plan d'observation scientifique de la mission au mieux des connaissances qu'on a au moment où elle arrive en orbite et pas uniquement quand on la décide. Et de ce point de vue-là, l'ESA est un peu moins con que la NASA, parce que la NASA, ils adorent définir pratiquement toutes les observations de la mission, par exemple sur Cassini. La phase orbitale de Cassini, on devait avoir 4 ans complets d'observation, 3 ans avant l'arrivée à Saturne. Et j'étais très agacé, je leur disais, mais vous savez quoi? On n'est pas à l'abri d'une découverte. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue comme si ne s'était rien passé? Alors, une autre façon de le dire, c'est que sur un orbiteur, en gros, vous voulez couvrir le spectre électromagnétique. Oui. Donc, caméra, spectre infrarouge, ultraviolet, rayon X, gamma. Voilà. Ces instruments, vous allez les retrouver. Simplement, ça ne sera pas le même. Celui de Cassini n'est pas le même que celui de Bepi, parce que la technologie s'est améliorée. La sensibilité, le domaine de longueur d'onde, etc., etc. Et le spectre UV, par exemple, Phébus, il a une particularité. C'est la première fois que je vois ça. Ces détecteurs ne supportent pas la pression atmosphérique. Donc, il y avait sur le pas de tir une pompe à vide pour maintenir les détecteurs de Phébus sous vide jusqu'au moment du lancement. Ça a été un cauchemar. Bon, voilà, ça c'est nouveau, c'est une nouvelle technologie de détecteur, mais c'est toujours un spectre UV. Effectivement, voilà. Donc la question rebondit sur ce qu'on appelle la maturité des méthodes de télédétection, puis des méthodes in situ. Il y a des domaines, par exemple les caméras. On peut dire que depuis 20 ans, on sait faire des caméras qui font 2000 par 2000, voire 4000 par 4000, et qui ont ce qu'on appelle un rendement quantique supérieur à 70%. Quand vous en arrivez là, vous pouvez aller de 70 à 80, mais bon, ça ne change pas votre vie. Donc en fait, il y a des domaines, par exemple la spectrométrie infrarouge qui est mon domaine, il y a 30 ans, on ne savait pas faire du tout. Ensuite, il y a une première manip. Et aujourd'hui, ça commence à devenir une technique relativement mûre, où on sait qu'on arrive, pareil, 70-80% des photons collectés vont donner des électrons. Il y a des domaines, et en particulier la spectroscopie gamma, qui n'est pas encore complètement à maturité, où il y a encore des progrès. Donc ça dépend des domaines, selon la maturité technologique, il y a des domaines. Donc l'imagerie optique, mais même on est bon. Sans aller si loin, je suis sidéré qu'avec un iPhone, je prends une photo sans flash ici. Mais il y a 20 ans, c'était pas possible. Oui, donc vous n'aviez pas la sensibilité. Aujourd'hui, un iPhone vous prend une photo. Il n'y a pas besoin de mettre un flash, ça marche très bien. Mais bon. Voilà, ça c'est l'amélioration de la sensibilité des capteurs. Et on en profite aussi. Néanmoins, au niveau scientifique, vous avez 70% des photons qui donnent du signal, c'est gagné. Bien. Messieurs, dames, merci. Je crois qu'on peut applaudir nos trois artistes ce soir. Et la technique, parce que sans la technique, nous ne saurions rien. Moi, avant de conclure totalement, j'ai quand même une remarque, c'est que je trouve extraordinaire cette incroyable diversité dans notre système solaire. Il n'y a pas un corps solide qui ressemble à son voisin, de Pluton à Mercure. Et on a c'était un leitmotiv d'André Braque, ça. C'était vraiment, il le répétait tout le temps. Mais c'est parfaitement vrai, et c'est toujours plus vrai. Et chaque fois qu'on se rapproche... Regardez Ryugu, l'espèce d'astéroïde de 600 mètres de diamètre. Incroyable. Et là encore, c'est... Qui aurait imaginé que c'est un pareil bordel, bien franchement. Et alors, donc, ça nous laisse présager des choses absolument incroyables dans les exoplanètes, sur les exoplanètes et les exolunes que l'on explorera. Et donc, c'est vraiment le message, c'est ce que je disais. On n'est jamais, en planétologie, on n'est jamais à l'abri d'une découverte. Exactement. Merci encore. Vous pouvez les applaudir. Rendez-vous le 18 décembre, ici même, pour la conquête de l'espace jusqu'où, donc de la prospective. Et en attendant, rendez-vous lundi aussi à la Cité des Sciences avec le CNES, évidemment, pour Insight. Bon retour. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.